qu'on amène le coq. Maintenant, à ma décharge, Madonna, si elle avait chanté « Meurs un autre jour » qui est le titre français de James Bond, là, j'aurais tilté que c'était le titre de James Bond. Ah, bah oui. Voilà, donc Madonna, c'est de sa faute. Voilà. On va écouter 3 cafés gourmands dans 2 minutes. Les concours du jour arrivent dans 10 minutes pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Ah oui, il y a pire que moi. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Les perturbations s'enchaînent au-dessus de nos têtes cette semaine. On va quand même avoir droit à une petite accalmie ce matin en principe avec du soleil au sud et quelques éclaircies au milieu des nuages pour le nord. Cet après-midi, ce sera encore très humide en Bretagne. Gros nuages pour l'Île-de-France jusqu'au nord-est et plutôt agréable dans les autres régions. Au max, il fera 4 degrés à Belfort, comptez 7 à Angers, 11 à Fréjus, jusqu'à 13 pour Brest. Des repas bien sûr, mais aussi des conseils, du soutien scolaire ou encore un accompagnement personnalisé vers l'emploi. Les Restos du Cœur lance aujourd'hui leur 34e campagne d'hiver. L'an dernier, un tiers des bénéficiaires étaient mineurs. La précarité touche tout le monde. L'association a donc plus que jamais besoin de nos dons et aussi de bénévoles. Les infos sur restoducœur.org. Les Gilets jaunes, ils se sont trouvés des porte-paroles. 8 représentants de moins de 30 ans, des femmes, des hommes venus de toute la France et de tous les secteurs. Une patronne d'un site de vente en ligne, un intérimaire, une serveuse ou encore un étudiant. Première grande prise de parole prévue ce mardi après les annonces d'Emmanuel Macron sur l'énergie. Le chef de l'État doit présenter des mesures pour contrer la hausse du coût de la vie. Des discussions, des débats devraient être initiés en région pour changer de méthode. Et il y aura aussi sans doute un geste sur le prix du carburant. L'essence, justement, elle est en baisse depuis plusieurs semaines à la pompe. En moyenne, faire le plein du diesel vous coûte 4 euros de moins qu'il y a un mois, moins 6 euros pour du sans-plomb. Parce que rien n'est jamais acquis pour toujours, la SNCF expose les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans une petite centaine de gares du pays en ce moment. Vous les avez d'ailleurs peut-être déjà vus si vous faites partie des 10 millions de voyageurs qui prennent le train en France quotidiennement. Le 10 décembre, on fêtera les 70 ans de l'adoption du texte aux Nations Unies. Le foot, la Ligue des Champions, vainqueur en Angleterre lors du match aller, les Lyonnais vont devoir remettre ça chez eux ce soir face à Manchester City. Une victoire serait synonyme de qualification directe pour les 8e de finale avant même la fin de la phase de poule. Coup d'envoi 21h. Demain, le PSG recevra Liverpool au Parc des Princes. Après les Lego, place au Playmobil. Les célèbres jouets stars attendus des cadeaux de Noël débarqueront bientôt au cinéma. Ils auront droit à un film en salle le 7 août. Pour les voix, le casting est plutôt pas mal avec Jennifer Cadmerade ou encore Franck Dubosc confirmé pour la version française. Et puis on termine avec un autre phénomène. Jeudi dernier, Disney dévoilait la bande-annonce de son remake du Roi Lion sur grand écran. Le premier teaser de cette version a été vu plus de 224 millions de fois sur les réseaux sociaux en seulement 24 heures. Du jamais vu pour le studio. Sortie prévue de cette nouvelle version du Roi Lion en juillet chez nous. 6h03, c'est la fin de ce flash, on est le mardi 27 novembre. Bon réveil, bonne matinée avec comme d'habitude Manu dans le 6-9 sur Énergie. On se retrouve dans une toute petite demi-heure pour les prochaines infos. Très bonne journée. Debout les wawa. Debout. Bonjour Isabelle. Salut, salut. Bonjour Paulette. Joie et volupté. Bonjour Glandier. J'ai des jambes. Bonjour Nico. Youhou. Bonjour papa. Donc vous dites vraiment n'importe quoi maintenant. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Ok. Il est 6h03, soyez les bienvenus dans un monde qui vous veut du bien, dans un monde d'amour, dans un monde qui vous sert fort, dans un monde qui vous fait des bisous. Ah oui. Wow. Allez. C'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus. On va bien démarrer la journée. Ouais. Dans 2 minutes. On veut du Claudie Musel. Ah bah oui. Ça, les Américains, ils l'ont pas. Ah non. Ah. 3 cafés gourmands, ça arrive pour vous dans 2 minutes. Les concours du jour, pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde, c'est juste après. Ce sera dans même pas 10 minutes. Et donc, franchement, là, on a une bonne journée qui démarre. On est bien. Qu'avez-vous envie de partager pour la démarrer cette journée, pour démarrer ce mardi, les amis? Qu'avez-vous envie de partager avec nous, Isabelle? Hier, j'ai vécu quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre, mais de toute ma life. Ton mec t'a enfin donné. Non. Ça n'a rien à voir avec mon mec. Non, non, tout va très bien. Rien de sexuel ? Non, rien de sexuel. Ok, on va passer à autre chose. Non, elle a des choses. Non, mais sérieusement, je voulais partager ça avec vous. J'étais capable de regarder une grue manœuvrer sur un chantier pendant à peu près 30 minutes. Comment ça ? Mais j'étais comme ça, j'étais sciée, quoi. J'ai regardé cette grue bouger, manœuvrer, prendre des trucs, les soulever. Tu veux dire que t'as regardé une grue, ouais. T'as commencé à la regarder bouger, et en fait, t'étais hypnotisée par la c'est grue. C'est ça, pendant une demi-heure, Manu, un truc de dingue. Oh. Mais je crois que t'avais raison, on aurait dû passer à autre chose. Il faut que tu te rattrapes, faut que tu rajoutes un truc genre cette grue c'était un symbole phallique et ça m'a donné envie de faire l'amour et je suis rentré chez moi, je lui ai mis un petit cadre de chantier et on s'est éclaté. Pas du tout, c'était juste beau et presque poétique. D'accord, et pendant ce temps-là, il y avait son enfant qui attendait qui avait faim. Ouais. Attends, maman, regarde la grue, elle trouve ça génial. Qu'avez-vous envie de partager avec nous pour démarrer cette journée, Nico? Je crois que c'est officiel, hein, c'est bon, ma belle-mère me déteste. Voilà. Ah. Alors, si tu peux me permettre, avec ta belle-mère, c'est soit un jour tu nous dis elle te déteste, soit un jour tu la vois à poil. Ça lui est déjà arrivé d'ouvrir la porte de la salle de bain pour la voir toute nue. Il y a un moment, il faut que tu te mettes d'accord. Au moins, c'est réciproque. Alors, non, moi je la déteste pas. Vous n'êtes pas fan l'un de l'autre Non, la relation est compliquée, mais je dirais pas que je la déteste. Ah, mais depuis hier soir, j'ai la preuve qu'elle me déteste. Mais pourquoi ? Parce qu'j'ai mangé. Elle m'a tiré dessus. Non, on a mangé ensemble hier et c'est elle qui faisait le menu. C'est elle qui prépare à manger, donc sympa au départ. Oui. Mais elle m'a fait en entrée du melon. Ensuite, un ossobuco, tu vois le plat italien là avec récemment les sauces. Et après, une tarte aux pommes. Ah, bah c'est bien ça. C'est les trois plats que je déteste le plus au monde. Et elle le sait, ça. Ça fait 10 ans que je suis avec sa fille et j'aime pas ça. Alors, excuse-moi, t'aimes pas le melon, t'aimes pas la tarte aux pommes? Non. Bah, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je savais pas. Hein. Oui, mais on mange, à chaque fois on va au resto, etc. Donc on mange pas spécialement ensemble, tu me fais pas à manger. Quand on mange, on fait des trucs relativement simples, genre pizza. Tu vois? Oui. Et ben là, elle a fait trois trucs que j'aime pas et elle le savait, quoi. Donc j'ai mangé du pain, putain, pendant tout le repas. C'est bien sympa. Ça. Peut-être qu'elle te faisait passer un message, elle voulait pas que tu manges trop. Alors bah, ça, lui fait un truc léger, lui fait pas un truc qu'il aime pas. C'est vrai. Ça, c'est une pote. Ça, Nico, c'est sympa ça. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, moi je t'ai pas fait à manger. Non, mais on va pas s'engueuler, c'est simple. Voilà, ta belle-mère te déteste, on passe à autre chose. J'ai raison alors. Maintenant, il y a deux solutions, soit t'acceptes, soit tu divorces. Non, ce serait con d'avoir galéré 10 ans pour divorcer maintenant. Ouais. Je vais quand même prendre le temps de la réflexion. Qu'avez-vous envie de partager avec nous, Glandu? J'ai un souci avec un ami, moi. Ok, franchement, j'ai pas le temps. Si. Quoi ? Hier, je l'appelle pour qu'on aille déjeuner ensemble et pour savoir où est-ce qu'on va déjeuner. Et je lui dis, alors on va où ? Et là, il me répond, dans ton cul. Ouais. Bah, voilà. Non, mais franchement, mais non, pas ouais. Qui dit encore ça en 2018 ? Il avait peut-être vraiment envie de manger dans ton cul. Effectivement. C'est drôle, ouais, en 2018, il est un peu en retard. Faut arrêter, quoi. C'est bon. Est-ce qu'après, tu lui as demandé, mais comment tu vas ? Et qu'il t'a fait, what's up ? Non. Allez, 6h07 dans 3 minutes, c'est les concours du jour qui arrivent. Des gens improbables qui font des choses improbables. Il y a pire que nous, il y a pire que vous. C'est les concours du jour, juste après 3 cafés gourmands sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre sur les monétiers. te dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Moi perso, je suis Mimi au bar, je les sers pas. Ouais, t'as raison. Non, il y a les yeux qui brillent. Non, on ne sert pas quelqu'un qui a les yeux qui brillent. Ah, non, c'est vrai ça. Merci de m'avoir écouté. 6h11. Calvin Harris arrive. Il y aura aussi Lady Gaga et Bradley Cooper avant 6h30. Et vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48. Dans même pas 10 minutes, nous allons parler des choses les plus difficiles qu'on a faites dans notre vie. Ouais. Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire dans votre vie? Ah, j'adore. Ça peut être quelque chose que vous avez dit à quelqu'un. Ça peut être quelque chose que vous avez fait. Y a pas c'est pas forcément un exploit incroyable. Genre, ouais, vous êtes monté au Kilimandjaro, je sais même pas où c'est. Ouais. 0 870 42 48. Vous pouvez nous appeler. Qu'est-ce qu'il y a glandu? C'est en Afrique. Le Kilimandjaro? Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Le sommet. Qu'est-ce que t'en sais? Je crois, j'avoue, j'ai jamais été. Bah voilà, bah si t'as jamais été, ça se trouve, il a bougé depuis. Ah, peut-être qu'il a été déplacé. Alors tu vois. Ouais, t'as raison. J'ai toujours raison, même quand j'ai tort. S'il faut aller déplacer la montagne, j'irai la déplacer. Okay. Avant tout ça, voici les concons du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre en Finlande. En ce moment a lieu la Coupe du Monde de ski de fond. Et lors de l'épreuve du sprint masculin, un skieur norvégien est à 3 mètres de la ligne d'arrivée. Il se voit gagnant et du coup, il arrête d'accélérer. Ouais. Et là, arrive ce qui ne devrait pas arriver. Et un skieur russe est juste derrière lui et il profite de ce petit moment de relâchement pour le doubler et devient donc le champion du monde de sprint. Oh non. Alors que l'autre était champion une seconde avant. Comme au spectacle de marionnettes, tout le monde devait lui dire derrière toi, derrière toi. Exactement, lui, c'est guignol. Ouais, c'est voilà. Ça. Oh, mais le fair play est mort quand même, quoi. Oh, c'est normal. Bah non, c'est normal. Il aurait dû le laisser. Non, c'est normal. Bah écoute, au football, t'as un défenseur, il perd le ballon, tu lui rends, tu lui dis ouais, t'as fait une erreur. Tu prends le ballon, tu vas marquer un but. Voilà, en plus, tout ça, c'était filmé. Donc non seulement t'as la loose, mais en plus, je pense que le mec va revoir ce moment tous les ans dans les bêtisiers du sport. C'est horrible. À Angers, un homme est jugé au tribunal pour avoir conduit en état d'ivresse. L'affaire a été jugée en 30 secondes. Il a été immédiatement retenu coupable parce qu'il est venu au tribunal. Alors je cite son avocat. Ouais. En ricanant bêtement, encore plus ivre que lors de son arrestation. Ouais. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il a dû recevoir sa peine dans la bonne humeur. Ouais, c'est ça. Dernier concours du jour, aux États-Unis, un homme est arrêté en plein cambriolage dans une maison. Et à ce moment-là, explique: ce n'est pas ce que vous croyez, je suis entré par effraction parce que je suis un espion. J'ai une mission concernant le propriétaire de cette maison. Alors sauf que pas du tout, ouais, parce qu'il avait quand même sur le dos un sac rempli d'objets volés. Voilà, c'était les aventures de James Bond 000. Allez, on revient tout de suite avec Calvin Harris. Manu dans le 6-9. Manu sur Énergie. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Calling for you, I need someone to do the things that I do.

sans hésiter. Quoi. Il fallait trouver le bon moment, tu vois, il fallait pas bafouiller, le bon scénario, être romantique mais pas trop, tu vois. C'est compliqué. Vraiment clean, quoi. Oh là là, et t'avais peur qu'elle dise non? Alors j'espérais que ce soit le bon moment et franchement non. Mais ouais, t'as quand même le moment où tu te dis putain, si jamais ça switch comme dans les films. Pour moi qui l'ai fait aussi, t'as pas tellement peur qu'elle dise non, t'as peur de te rater. Ouais. T'as peur de foirer le moment. Ouais, c'est ça. Parce que t'as une sorte de pression si tu foires le moment. C'est compliqué, t'en as pas deux. Ah ouais. C'est le genre de moment dans la vie, si tu merdois, c'est foutu. Est-ce que t'avais répété ce moment dans ta tête plusieurs fois avant de le faire? Ah mais tellement. Ouais. Ah ouais. Non mais grand. Tellement. Autant j'ai bossé plus pour la demande en mariage que pour l'émission de radio. Et comme pour l'émission de radio, les 8 ans. Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire, Paulette? Pour épater mon ex, je suis montée sur un ring en Thaïlande. Et ben, un ring de boxe. En fait, c'était une soirée box time, mais ouverte à tous, et tout le monde pouvait monter et combattre contre quelqu'un qui faisait à peu près son poids. Mais pourquoi t'as voulu faire ça? Bah parce que je voulais l'épater, et puis parce que je me suis dit je peux y aller, elle fait à peu près le même poids que moi et tout ça. Mais c'est un métier de faire de la boxe. Bah oui, ouais. Non mais là c'était que des amateurs, hein. J'avais pas en face de moi une professionnelle. Mais tu t'es jamais battue? Non, jamais, et puis je déteste la violence. Et bah alors pourquoi t'as fait ça? Bah je sais pas, je voulais l'épater, du coup j'ai eu peur, elle m'a mis un coup et je me suis mis en boule et j'ai attendu que l'arbitre déclare forfait. Oh, le match nul. Du coup bon. C'était pas la télé ça, hein? Non. Marion, bonjour. Salut Manu, salut les Wawa. Qu'est-ce que tu as fait de plus difficile dans ta vie? Alors moi j'ai plongé à 40 mètres de profondeur. Il faisait tout noir et il y avait plein de poissons monstrueux énormes. Wow. Mais t'as plongé parce que t'aimes la plongée ou... Bah j'ai plongé parce que j'avais pas trop le choix. Je faisais de la plongée sous-marine à l'époque et je devais passer mon niveau 2. Il faut plonger à moins 40 mètres. Wow. Et t'as eu peur? J'ai eu hyper peur, on n'était que 3, je pensais que j'allais perdre mes collègues parce que je les voyais plus. Je comprends pas. Tu sais que c'est comme si t'allais monter dans la montagne et te faire peur. Pourquoi t'as fait ça? Fallait rester tranquillement à la plage. C'est pour combattre ma peur, justement. Non, moi je combats ma peur à la plage sur un transat avec un cocktail. Hein. Et je vais te dire un truc, je la combats très très bien. Hein. Merci de nous avoir appelé, Marion. Belle journée à toi. Qu'avez-vous fait de plus difficile dans votre vie, Glandu? Moi j'ai fini un puzzle de 1000 pièces. C'était, c'était le puzzle à la... C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oh nom de Dieu! Bah, te moque pas, hein. T'as fini un puzzle de 1000 pièces? 1000 pièces, ouais. Oh là là. J'ai commencé par les bords, mais ça a pris du temps, mais c'était Astérix Village Gaulois. Ah oui, ça devait être tellement difficile. Ouais, Je vous rappelle la question, hein. Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez faite dans votre vie? Continue. Bah, après, oui, on l'interprète comme on veut, hein. Moi, j'ai même annulé une soirée pour finir. Ouais. Et j'ai fait une nocturne jusqu'à 1h du matin. Vous avez entendu, il a fait un puzzle? J'ai fini à 1h. C'est incroyable, Glandu. Mais Manu, s'il y a beaucoup de ciel, ça peut être très très compliqué un puzzle de 1000 pièces. Non, il y a que du bleu, tu vois. Il y avait du ciel, plein de personnages différents, des petits coins d'herbe. Isa. Mais c'est vrai, le pauvre. Ah, mais je suis d'accord, mais Glandu, il a plus 8 ans. Ouais. C'est la performance aussi. Hein. Chacun, hein. Nico, il demande sa femme au mariage, moi je fais des puzzles. Quoi. C'est pas la même, mec. Excuse-moi. Ceci expliquant cela, peut-être. Sandrine, bonjour. Salut Manu, salut les Wawins. Quelle est la chose la plus difficile que tu as faite, que tu aies faite dans ta vie? Alors moi, la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, c'est de réussir à me gratter l'oreille avec mon gros doigt de pied. Alors, ça peut paraître débile, mais les chiens y arrivent très bien. Ouais. Ils arrivent à se gratter. Ils arrivent parfaitement bien. Mais oui, et c'est parti de là. Mais les chiens, ils arrivent à se gratter l'oreille avec le pied derrière là. C'est ce qui est incroyable. Quand tu regardes ça, tu te dis, j'aimerais bien réussir à le faire. Ouais, mais à quel moment ça te sert dans la vie? Ouais. Tu vois, quand t'es au boulot, par exemple. Franchement, c'est quand t'as plus aucun argument. Écoute, regarde. Alors, ok, t'as raison. Embauché. Plus d'arguments. Grattez-vous l'oreille avec le pied. Génial. Merci de nous avoir appelé, Sandrine. On te souhaite une belle journée. Gros bisous, bonne journée. Gros bisous et t'as mérité un sucre. On t'embrasse, Sandrine. Soprano arrive. C'est dans 5 minutes, il est 6h24, les sondages du matin, c'est dans un quart d'heure. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des Wawawawa, il y a Manu. Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux titres de Pink à la suite. What about us? Appelez Énergie 3937. J'ai entendu le double hit. Et gagnez vos places avec Transport et Hôtel pour le concert de Pink à Paris le 3 juillet. Are you ready? Avec la radio partenaire des plus beaux concerts en France. C'est Énergie. Hit music only.

Salut Manu, bonjour à tous. Un léger mieux dans le ciel ce mardi avec moins de pluie en principe dans la moitié nord, mais quand même beaucoup de nuages et quelques toutes petites éclaircies. Et il pleuvra tout de même sur la Bretagne jusqu'à ce soir. Pas de souci en tout cas pour le sud avec du soleil de la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA. Cet après-midi, il fera 6 degrés à Sedan, 8 au Mans et 11 à Toulon. C'est en hausse. Et le chiffre du jour, 34, comme le nombre de campagnes d'hiver des Restos du Cœur. C'est donc reparti aujourd'hui pour l'association qui va délivrer plus de 130 millions de repas aux plus démunis dans toute la France. Les Restos, ce sont 860 000 bénéficiaires pour 72 000 bénévoles mobilisés. Et ils ont toujours besoin de nos dons, plus que jamais en fait. Les infos sur restosducœur.org. Une manif maintenant, celle de l'UNEF, l'un des principaux syndicats dans les facs françaises. Ses représentants appellent les étudiants à se rassembler à Paris samedi pour dénoncer la hausse des tarifs d'inscription pour les étrangers dans les universités. La mesure vient tout juste d'être annoncée. Dans l'actu également, cette plateforme dédiée aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et il s'agit d'un portail ouvert sur service-public.fr pour permettre aux femmes de contacter la police lorsqu'elles se sentent en danger, lorsqu'elles sont victimes aussi. Plus globalement, une Française meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou de son ex. Le bureau des légendes version live, les services secrets ont arrêté un haut fonctionnaire du Sénat ce week-end. Un homme responsable du patrimoine et des jardins soupçonné d'espionnage pour le compte de la Corée du Nord. Deux chocs franco anglais cette semaine en Ligue des Champions de football. Le premier a lieu ce soir entre Lyon, l'OL face à Manchester City. Un exploit autrement dit une victoire envers les Lyonnais directement en huitième de finale à une journée de la fin de la phase de poule. C'est à suivre dès 21h. Demain, le PSG devra absolument s'imposer à domicile au Parc des Princes contre Liverpool. Prêt à écrire une nouvelle page, Kids in Love, la deuxième tournée mondiale de Kygo vient de s'achever en Asie, mais le DJ norvégien a déjà plein de projets en tête et notamment un nouvel album avec un single inédit Happy Now pour donner le ton. En ce moment, je tente beaucoup de choses. Happy Now, c'est comme la première page de ce nouveau chapitre. Ce single illustre mon envie de travailler des sonorités différentes, d'expérimenter en studio. Je suis prêt. C'est une chanson rythmée et dynamique. Il y a beaucoup plus d'énergie que dans ce que j'ai pu faire auparavant. Et c'est génial de jouer ça dans mes shows. Ça met une super ambiance. Les gens sautent dans tous les sens. Voilà, un concert de Kygo, c'est à voir. Interview signée Morgane Derrien. Kygo a retrouvé sur les web radios d'Énergie et sur Énergie.fr, évidemment. 6h32, c'est la fin de ce flash. On est mardi 27 novembre. Très bon réveil, très bonne matinée avec Manu dans le 6-9 comme chaque matin. Bonne journée. Il est 6h33, juste après Soprano, les sondages du matin sont de retour. 4 femmes sur 10 affirment n'avoir jamais vu ça. 4 femmes sur 10 n'ont jamais vu ça. Ok. De quoi il s'agit? Moi j'ai la réponse. Ah, t'as de la chance. Bah oui, je sais. Et vous l'aurez aussi dans 5 minutes, ce sera juste après Soprano dans les sondages du matin. Aujourd'hui, on est le 27 novembre, journée mondiale. C'est quoi? Journée mondiale. Oh, tu vois, bah, tu t'emballes pour rien parce que c'est la journée mondiale du chou-fleur. Oh ben. Oh, non, je m'emballe pas pour rien. C'est super le chou-fleur. Oh, non, on devrait y penser plus souvent. Ok, donne-moi. Alors Isabelle, donne-moi 3 arguments pour dire que le chou-fleur c'est génial. Les enfants adorent ça. Menteuse. Avec non, je te promets avec un peu de crème fraîche et tout ça, c'est super. Non, les enfants aiment la crème fraîche. Ouais, c'est ça. Non, attends, je te rassure. Hein, les épinards à la crème, ils aiment pas les épinards, ils aiment la crème. Ouais. Mais toi, t'es un enfant encore, si c'est ça le problème. Ok. Ensuite, 2 autres arguments pour le chou-fleur. Eh ben, c'est bon pour la santé. Ça fait manger des légumes. Simplement, hein, oui, voilà. Bah ça... voilà. Ça, c'est valable pour tous les légumes, ok. Bon, bah, c'est un bon argument. Mmh. Et le troisième, c'est rigolo, c'est blanc et ça fait rire tout le monde. Un chou-fleur sur la table, rire c'est amusant. Non, un chou-fleur sur la tête, ça fait rire. Un chou-fleur dans le nez, ça fait rire. Un chou-fleur dans les fesses, ça fait rire. Non, mais un chou-fleur à table, non, ça ne fait pas rire. Ouais. Viens à la maison. Voilà. Excuse-moi, c'est rare que tu sois content quand ta copine te dit ce soir, c'est chou-fleur. Ah ouais. Personne n'en mange à Noël, ça, c'est un signe. Excusez-moi, mes arguments sont bien meilleurs que les tiens. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, au Nigeria, écoutez bien, dans les infos, on apprend que 2 hommes ont été arrêtés pour avoir fait l'amour dans un cimetière. Oh non. Oh. Ouais. Ah vas-y, Isa, sors-moi 3 arguments pour dire que c'est bien ça aussi. Non, là non. Là, je suis battue. Ah, c'est bizarre. Quel est l'endroit, honnêtement, si vous cherchez vraiment, quel est l'endroit le plus improbable où vous avez fait l'amour? Sans aller jusqu'au cimetière. Ouais. Nico? Ça marche si on a failli faire l'amour ou pas? Ouais, c'était bien parti au départ. J'accepte, vas-y. Mais moi, c'est dans une chambre froide. Dans une chambre froide. Ouais, quand je bossais dans un supermarché, effectivement. Attends, j'ai cru que t'allais me dire à la morgue. Non, je suis pas dans le globe. Non, parce que là, t'étais passé de l'autre côté du cimetière. Ah, non, pas du tout. Non, c'était les fruits et légumes. Ok, dans une chambre froide, voilà. Un supermarché. C'est ça. Ah, mais ouais. Comment? Bah, j'étais avec une employée, j'étais pas avec ma femme à l'époque, et je bossais dans un supermarché. Et du coup, bah, ça a dérapé, quoi. Enfin, ça devait déraper, du coup. Mais la chambre froide, c'est pas la meilleure idée. Bah, je devais aller au bout, mais le froid a eu raison de mon zizi. Ah ouais? Et j'ai pas pu, donc on s'est chauffé, puis après je dis, bah tu sais quoi, on laisse tomber. Tu t'es dit, tiens, il y a la stalagmite, ah non, c'est la stalactite. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. 6h35, c'est un bon sujet. Quel est l'endroit le plus improbable où vous avez fait l'amour, ou alors vous avez failli faire l'amour, Nico? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Soprano tout de suite, et juste après, c'est les sondages du matin, comme chaque jour qui arrive pour vous. On démarre la journée ensemble, on est mardi, c'est le 27 novembre. C'est Manu dans le système, c'est l'énergie que vous avez choisi, soyez bienvenus. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman dit, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. Dis maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. On va écouter Georges Ezra dans 2 minutes et nous allons parler d'endroits un peu improbables où on a fait l'amour. Je vous rappelle cette info, au Nigeria, 2 hommes ont été arrêtés pour avoir fait l'amour dans un cimetière. Avez-vous plus glauque? Eh ben, vous pouvez y aller. 0870 42 48. Avant ça, voici les sondages du matin comme chaque jour. Ouais. Un couple sur deux se dit plus heureux quand ils font ça ensemble à la même heure. De quoi il s'agit? Manger ensemble. C'est pas manger ensemble. Du sport? C'est pas du sport. Regardez la télé. C'est pas regarder la télé. C'est dans la maison, dans une pièce particulière? Oui, c'est dans la maison et dans une pièce particulière. Okay. Et tu le fais n'importe quand dans la journée ou pas du tout? Non, c'est un moment de la journée précis. Ah, se doucher? C'est pas se doucher, mais ça termine pareil. Ah, se coucher? Se coucher. Okay. Je vous ai un bon indice. Ouais, c'est pas mal. Bien, un couple sur deux est plus heureux quand, évidemment, ils se couchent ensemble. Ah oui, d'accord, mais c'est mieux. Okay. C'est quand ils couchent ensemble aussi. Oui. Ça va avec. 4 femmes sur 10 affirment n'avoir jamais vu ça. 4 femmes sur 10 n'ont jamais vu ça. De quoi il s'agit? C'est sur le corps d'un homme? Non. Et c'est humain ou pas? C'est pas humain. Enfin, il y a des humains dedans. Ouais. Mais c'est pas. C'est pas une personne en particulier. C'est sexuel. Oui, complètement. Un site pornographique. C'est quasiment ça, c'est un film X. Ah ouais, 4 femmes sur 10 affirment n'avoir jamais vu un film X. Ah ouais, j'ai jamais vu de ma vie. Oh, mais arrête. Mais non, mais vous rigolez, mais j'ai jamais vu de film X de ma vie. J'ai pas envie de casser le mythe. Non, mais de la réalité. Pas, non, mais je dis pas en entier, mais ouais, quelques secondes. Non, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Ça mais si ça, ça se trouve, tu fais pas de la bonne façon. On m'a dit que ça allait. Isabelle ? Oui, un petit bout, quoi, comme ça. Mais quoi ? Le coup de un petit bout comme ça, c'est comme quand t'es. Ouais, j'ai regardé la télé, j'ai zappé, je suis tombé sur ce jeu débile. Un petit bout comme ça, c'est-à-dire Une petite scène comme ça, en passant très vite. En passant, tu passes. Parce que toi, tu passes souvent. Souvent, en fait, chez Isa, il y a des ordinateurs qui tournent tout seuls. Il y a plein de programmes et elle est passée devant l'ordinateur, il y a un film de cul. Mais non. Non, mais voilà, avec mon copain, une fois, on a regardé une petite scène comme ça, quoi. Voilà. Wow. Ouais. Alors, vous avez fait le. C'était un acte, je veux dire. Vous avez... Est-ce qu'on peut passer au prochain sondage? Elle est tout rouge. Non, on attend un peu sur celui-là. Chaud. On est bien. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai déjà vu. Bah ouais, mais. Ah ouais? C'est... Ouais. Comme ça, en passant. Hein. Ouais, c'est ça. J'étais avec le mec d'Isa, on était là. 4% des propriétaires de chiens le font avec leur animal. 4%, 4%. C'est pas beaucoup. Manger au resto. Vous serez combien seul? Non, on est deux. Un smack. C'est pas un smack. Dormir? Non, c'est pas dormir avec, mais c'est faire quelque chose avec. Et c'est à la maison ou pas? C'est à la maison. Oui, ouais. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'hôtel aussi. C'est très très bizarre comme truc. Je trouve ça un peu chelou, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est autorisé par la loi? Oui. Ouais. Oui, ce n'est pas illégal, sinon je pense que j'en parlerai pas. D'accord, d'accord. Habillé, lui mettre des fringues? Non. Non, il se douche? C'est quasiment ça. 4% des propriétaires de chiens ont déjà pris un bain avec. Ah, un bain carrément. Oh, mais non. Un bain avec leur chien. Oh, wow. Mais c'est horrible. Bah, horrible, je sais pas, mais c'est bizarre. Il faut le laver avant, le chien. Ouais. C'est ça le truc, c'est s'il a des puces ou qu'il a couru partout, ça traîne partout, ça renifle tout. Ouais, et puis si tu viens de refuser à ta copine un bain, tu vas avec le chien dans la baignoire. Cela dit, si t'es avec le chien dans la baignoire, je pense que ta copine refuse aussi. Hein. Là, ça devient trop, là. 6h42, tant qu'on est dans le trop, je vous rappelle la question à laquelle on va répondre dans deux minutes. Ouais. Quel est l'endroit le plus improbable où vous avez, ou alors essayez de faire l'amour? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler, c'est juste après Georges Ezra et les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get used to this. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of, if you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot 6h45, bienvenue sur Énergie. Dans 20 minutes, c'est peut-être vous qu'on appelle en direct pour doubler votre salaire. Ça va se passer à 7h05, il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com. On va écouter VG de Rime dans 2 minutes. Et avant ça, on parle de l'endroit improbable, le plus improbable, où on a fait, ou alors on a essayé de faire l'amour. Je vous rappelle, au Nigeria, cette info, deux hommes ont été arrêtés pour avoir fait l'amour dans un cimetière. Oh là là. C'est pas mal. Bah, Nico l'a fait dans une chambre froide de supermarché. J'ai failli, à moitié. Alors, moi, je vous avoue que j'ai pas fait le truc dingue, en fait. Dans la forêt, c'est pas fou non plus. C'est pas dingue. Ouais. Dans un champ, c'est pas le truc le plus dingue. Ouais. Ouais. J'ai fait des trucs classiques dans un corbillard. Enfin, vraiment, les trucs. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Émilie est avec nous au téléphone. Bonjour, Émilie. Coucou, Manu. Bienvenue sur Énergie. Raconte-nous ton histoire. Eh bien, moi, Manu, j'ai fait l'amour sur le bureau de mon patron avec l'agent d'entretien. Oh, l'amour sur le bureau de ton patron avec l'agent d'entretien. Mais alors, il passait comme ça et d'un coup, il y a eu un flash ou alors vous regardiez depuis plusieurs... Ouais, c'est un peu ça. En fait, on se tournait déjà autour depuis quelques temps. Et puis, bah écoute, un soir, je suis restée un peu plus tard que d'habitude. Il était là et puis on a eu des petits échanges de regards. On s'est parlé un peu et puis, le canon s'est présenté et voilà. Et d'accord, j'imagine qu'après, il avait les produits pour nettoyer le bureau, quoi, du coup. On veut pas les détails. Non, si. Mais une fois qu'ils ont fait l'amour, c'est attends, bouge pas un petit peu le Jax vite, là. Et voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas notre ADN. Hein. Alors, je vais te dire un truc. Alors, j'avais oublié, mais ça m'est arrivé aussi. J'ai fait l'amour sur le bureau de... Alors, c'était pas vraiment mon patron, mais j'ai vraiment fait l'amour. Il y a très, très longtemps maintenant, il y a prescription, donc je peux le dire. Ouais. Peut-être qu'il m'écoute. J'ai fait l'amour sur le... J'ai travaillé 15 ans avec Arthur. Ouais. Et il y a une époque, il y a longtemps, on travaillait à Europe 1. Ouais. Et un soir, en fait, on était sortis dans une boîte de nuit qui était pas loin de la radio. Une nana, je l'ai ramenée à la radio, genre, je vais te montrer. Non. Bim, boum, badaboum, le bureau. Hop, le bureau d'Arthur était plus classe. Mais non. Bah, tiens, on se met. Et je l'ai jamais dit à Arthur. Ouais. Oh, dur. Bah, et toi, t'avais pas les produits d'entretien en plus. Non. Et je peux vous dire un truc, c'est que le lendemain, ça fait bizarre quand t'arrives et que tu le vois, lui, mettre ses mains comme ça. Et oui. Oh, la révélation, quoi. Et c'est aujourd'hui que tu le dis, quoi. Ça oui, mais il est 6h47, je me dis que bon, c'est bon. Je vous remercie, ça reste entre vous et moi. Ouais, c'est vrai. D'accord, Émilie? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Où est-ce que vous avez fait l'amour dans un endroit un peu improbable, Glandu? Moi, j'ai un ami qui l'a fait dans une ambulance. Ah ouais, il est avec le blessé. Non, pas avec le blessé, avec une collègue à lui. Il est secouriste à la protection civile et entre deux interventions, et ils l'ont fait dans le camion. Quoi. Et pendant ça là, t'as l'alarme qui sonne. Ouais. Attention, ne voyez de personne en danger en rue de Pontieu. Dépêche-toi, chérie, dépêche-toi. Paulette. J'ai un pote qui a fait l'amour sur une plage la nuit. Et en fait, il n'avait pas remarqué que juste à côté, il y avait un pêcheur qui était là, en train de pêcher la nuit. Ils font l'amour, ils ne voient pas qu'il y a un mec à côté. Non, il ne l'avait pas vu, parce que lui, il était dans le noir. Le plus louche là-dedans, c'est le pêcheur qui pêche la nuit. Il y a plein de pêcheurs qui pêchent la nuit. Ils se mettent dans le noir, puis ils allument dès qu'ils chopent quelque chose. Quoi. Ah. Ouais. Et le mec, il était tellement énervé qu'il fasse l'amour juste à côté, qu'il a tapé avec sa canne. Ça fait fuir les poissons. Ouais, ça éloigne les poissons, le bruit. Tranquille, il aurait pu les laisser. Ils étaient tranquilles. Bah, c'est vrai que Paulette a raison. C'est plus logique de laisser tranquillement les gens à poil sur la plage plutôt que le pêcheur. Non, c'est clair. Et bien, vraiment, quel con ce pêcheur. Gilet jaune. Place à l'amour, quoi. Sandy, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wawins. Où est-ce que tu as fait l'amour ou failli faire l'amour dans un endroit un petit peu improbable? Eh bien moi, on a tenté ça avec mon copain de l'époque dans un avion, dans les toilettes d'un avion. Et en fait, j'ai bloqué. J'ai vraiment eu l'impression que tout le monde savait où on allait, ce qu'on allait faire, donc j'ai pas fait. Mais alors, dans les toilettes d'un avion, je me dis, quand y vas, tu rentres. Déjà, il faut arriver à rentrer à 200 que personne s'en aperçoive. Ouais. C'est exactement ça. Et ensuite, excuse-moi, sauf si t'es très très très rapide, je dis pas ça pour moi, je dis ça pour un cousin. Ouais. Sauf si t'es très rapide, c'est-à-dire que quand tu sors, y a une queue quand même de gens qui attendent les toilettes, donc ils voient ce que vous avez fait. J'ai pensé exactement ça en fait, donc j'ai pas pu. Souvent les gens qui le font, c'est sur les longs vols de nuit. C'est pendant la nuit, ils y vont et il y a pas forcément du monde qui se lève la nuit. Oh là là. Dans les débuts, un vol de 12 heures, c'est long, hein. Non mais toi, on a compris que toi tu veux faire l'amour tout le temps partout. Sur la plage, dans l'avion, au restaurant. Non mais parce qu'on attendait le plat. Merci de nous avoir appelé, Sandy, on t'embrasse bisous fort. Gros bisous. 6h50, à 7h50, double bonne salaire. Et tout de suite, c'est VG de Rime sur Énergie. Et ça c'est VG de Rime. si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. Sur Énergie, il y a Offenbach qui arrive, il y aura aussi Yana Kamura. Et à 7h05, on va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Avant ça, nous allons répondre à une question que tout le monde s'est déjà posée. Que faire face à un ours? Ah bah oui, ouais. Eh bien, figurez-vous que lors de mes journées où je n'ai pas grand-chose à faire, ouais, j'ai atterri à un moment de lien en lien, ouais, sur un article où il y a une liste de vrais conseils pour faire face à un ours. Ouais, c'est vrai. Génial, hein. Et c'est une vraie liste. Si jamais vous croisez un ours dans la forêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Sans lui faire mal, hein? On est bien d'accord. Sans lui faire mal, oui, effectivement. Très bien. Moi, j'ai déjà lu un truc sur le sujet. Comme quoi, fallait se grandir, se mettre plus grand qu'on est, lever les bras en l'air. Comme alors, ça. Effectivement, se faire plus grand qu'on ne l'est en ouvrant grand les bras et en les agitant fait partie des conseils à faire. Tu vois, ah, c'est quoi, je me serais sauvé. Exactement, pour que l'ours ait l'impression que vous êtes vraiment très très grand. Ouais. D'accord. Moi, même si je fais ça, ça va pas marcher. Oui, toi, tu te fais. Ouais. Isabelle, le premier truc dans la liste, c'est de toute manière, si vous êtes comme Isabelle, vous serez mort. Moi, j'en viens deuxième, du nickel. Coup. Dans les conseils, ouais, pour si jamais vous vous retrouvez un jour face à un ours, il y a: parlez fort, mais ne pas crier, sur un ton ferme, mais amical. Ah ouais. Exemple, ours, cela suffit maintenant. D'accord. Ah ouais, ouais, ouais, okay. J'imagine ouais, que ouais, c'est ouais, ça. Ça marche. Ouais, ton ferme, mais amical, et parlez fort. Mais ne pas crier, pas faire « Bon, attends, là-bas !» Là, ouais, ça ouais, va lui faire peur, il va vous attaquer. Ah, c'est ouais, un peu une maman qui dit « Va ranger ta chambre, quoi. » Exactement. Ouais. Ne vous trompez pas, vous criez trop fort, il vous mange. Ah, oui. Se faire plus grand qu'on ne l'est, on l'a déjà fait. Ouais. Ouais. Dans les conseils, si on croise un ours en forêt, il y a aussi chanter. Ah bon? Oui, il faut chanter. Okay. Après, à vous de voir, chanter faux, chanter juste, c'est un ouais, risque à prendre. Hein. Ouais. Parce que si l'ours, comme dans The Voice, se retourne, c'est qu'il est trop tard. Dans les conseils, il y a aussi de ne jamais lui donner à manger. D'accord. Oui, bah, tu lui donnes à manger, du coup l'ours il va ah commencer bah, à vouloir encore à manger, oui, à manger, à manger, à manger, oui, et ton bras et ta tête et tout ça. Voilà. Voilà. Si vous croisez un ours en forêt, vous pouvez tenter de faire le mort. Ah bon? Ah. Oui, si ouais, vous êtes mort, il passera à côté oh là, de vous. Oh là, ah là. Bon, c'est bien ça. Il ne faut pas qu'il vérifie, quoi. Ah non, bah si, le problème, c'est que quand un ours vérifie avec ses grosses pattes, bon, pour le coup, il vérifie, mais il te fait mort. Ouais, ouais, voilà. Et le dernier conseil, si vous croisez un ours en forêt, écoutez bien, ne jamais lui tourner le dos. Ouais. Donc en fait, pour fuir, tu es en moonwalk. Oui, voilà. C'est ça. Ah ouais. Allez, 6h55, après ces bons conseils, on revient tout de suite. On va doubler votre salaire dans 10 minutes. Manu dans le 6-9. Eh oui, c'est Manu. Sur Énergie. Elle a gagné la somme folle de 50 000 euros en écoutant Énergie. Karine, Énergie t'offre 50 000 euros cash pour toi, ma petite Karine. 50 000 euros, ma chérie! Attention, la playlist suprême est de retour dans quelques jours sur Énergie. Avec encore une fois 50 000 euros à gagner. À la

Oh. Avec ton petit cahier. Attends, faut qu'on partage ça. Ah oui, tu veux je ne savais pas. Isabelle tient un petit cahier qu'elle écrit à la main avec des pensées qu'elle a la journée. Franchement, d'accord. Juste, on va dire celui qu'elle a écrit hier. Vous allez voir, c'est surréaliste. Offenbach arrive, on double votre salaire dans 3 minutes et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Les perturbations s'enchaînent au-dessus de nos têtes décidément cette semaine. On va quand même avoir droit à une petite accalmie en principe ce matin avec du soleil au sud. Quelques éclaircies aussi au milieu des nuages pour le nord. Cet après-midi, ce sera encore très humide en Bretagne. Par contre, l'Île-de-France jusqu'au Grand Est auront droit à un temps plutôt doux et nuageux tout de même. Au max, il fera 4 degrés à Belfort, 7 à Angers, jusqu'à 11 à Fréjus et 13 à Brest. Un regard, un sourire, un petit peu d'écoute. Les Restos du Cœur, ce sont plus de 70 000 bénévoles mobilisés dans toute la France pour aider ceux qui en ont besoin. L'association lance aujourd'hui sa 34e campagne d'hiver. Pendant 4 mois, plus de 130 millions de repas seront distribués aux 860 000 bénéficiaires. Des chiffres qui augmentent malheureusement chaque année. Vous pouvez faire un geste de votre côté pour aider sur restosducœur.org. Ils sont 8 porte-parole des Gilets jaunes désignés hier, des hommes, des femmes de moins de 30 ans pour représenter le mouvement contre la vie chère. Il y a une patronne d'un site de vente en ligne, une intérimaire, une serveuse ou encore un étudiant. On attend leur première grande réaction publique ce mardi après les annonces d'Emmanuel Macron sur l'énergie. Des discussions, des débats devraient être initiés en région pour changer de méthode et il y aura aussi sans doute un geste sur le prix du carburant. Justement, l'essence baisse depuis plusieurs semaines. Vous l'avez forcément constaté à la pompe et à la caisse aussi. En moyenne, le plein de diesel a baissé de 4 euros en un mois contre 6 euros pour du sans-plomb. C'est la drogue interdite la plus courante en France. Le cannabis reste toujours aussi populaire dans le pays. Un adulte sur 10 déclare avoir fumé un joint dans l'année. Selon un sondage ce matin, la moitié des Français ont déjà essayé au moins une fois dans leur vie. Les 18-25 restent les plus gros consommateurs, même si l'on constate un vieillissement des fumeurs. Les miracles, ça existe, la preuve. Lyon est allé battre Manchester City sur sa pelouse à l'aller. Match retour ce soir en Ligue des Champions pour l'OL qui devra rééditer l'exploit pour se qualifier directement en 8e de finale avant même la fin de la phase de poule. Les Lyonnais sont quand même très bien partis. Ce sera compliqué aussi pour le PSG demain au Parc des Princes face à Liverpool. Un nouveau rôle au ciné pour Jennifer. La chanteuse intègre l'équipe du film Playmobil et pour le coup, elle n'aura même pas besoin de se faire la coupe de cheveux réglementaire. Elle n'aura qu'à prêter sa voix à l'un des personnages du dessin animé. Kad Merad, Franck Dubosc et Jérôme Commandeur ont été confirmés à ses côtés au doublage de la version française. On verra et on entendra le résultat au ciné le 7 août. Et puis ce sera l'un des films événements en 2019. Le Roi Lion reviendra au ciné en juillet avec une nouvelle version live animée plus vraie que nature. La bande-annonce fait déjà un carton. Record battu chez Disney pour le premier teaser qui a accumulé plus de 224 millions de vues sur la réseaux sociaux. C'était la semaine dernière pour la première journée de diffusion du teaser. 7h04, fin de ce flash, on est le mardi 27 novembre. Très bon réveil avec Manu dans 6-9 sur NRJ. Bonne journée. Il est 7h04, dans quelques secondes, ça va peut-être sonner chez vous. Et si ça sonne chez vous, c'est nous qui vous appelons pour doubler votre salaire. Il suffit de vous inscrire pour que ça vous arrive. Vous allez sur energie.fr ou Malu dans le 69.com. On va écouter Offenbach. Et avant ça, j'aimerais qu'on lise quelques lignes. Quelques lignes de quoi? Quelques lignes d'un petit carnet. Pas n'importe quel carnet. Isabelle, je ne le savais pas, elle le cachait. Mais hop! Je suis vif et rapide. C'est pas beau de fouiller, c'est non, pas beau de fouiller. J'ai pas fouillé, je t'ai demandé ce que c'était, tu m'as dit. Ouais. J'ai dit, est-ce que je peux prendre? Tu m'as dit, j'ai pris. Oui, bon. C'est bon. Isabelle, elle a un petit carnet sur lequel, en fait, elle écrit ce qui lui arrive la journée. C'est un peu comme un journal intime quand on est ado. C'est ça. Ouais. Sauf que toi, tu le fais quand t'es adulte. Mais j'adore. En fait, ça me permet de me livrer, de faire le point, de me relire et de me comprendre un peu, tu vois. Ah, ouais. C'est pas mal. Parce que même le psy d'Isabelle ne veut plus la comprendre. C'est bon, ça le truc. Ça fait une psychanalyse gratos. Mais alors, je sais pas si ça aide à quelque chose. Je vous propose simplement de lire ce qu'elle a écrit hier. Ouais. Ok, vas-y. Écoutez bien. Cool. Aujourd'hui, Ulysse m'a demandé si les dinosaures avaient des caries. Je lui ai dit que non parce que les bonbons, ça n'existait pas. Alors, il a enchaîné avec c'est qui le plus fort, le A ou le L? Le A, parce que c'est le premier dans l'alphabet. Il m'a achevé avec sa dernière question, ça coûte combien un sous-marin? J'en peux plus. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Oh, les voilà, questions, quoi. Voilà la vie d'Isabelle. Ouais. Wow. Mais c'est vrai que c'est épuisant, quoi. Il a 4 ans et demi. Donc les questions, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est souvent dans des moments où tu peux pas répondre, t'es pas concentré, t'as pas le temps. Enfin, tu vois. C'est vrai que t'es en train de faire à manger, t'as ton enfant qui dit ça coûte combien un sous-marin. Ouais. Mais est-ce que toutes tes notes se terminent par j'en peux plus? Jusqu'avant, elle a peut-être un problème. Il y en a beaucoup. Mais ça, c'est un bon truc qu'on pourrait faire. Chacun, on fait un petit journal, ouais. On écrit les trucs, et de temps en temps dans l'émission, on dit tiens, le lundi c'est Isabelle, le mardi c'est Paulette, le mercredi, et on tourne comme ouais. Ça. Okay. Allez. Et chacun partage son petit journal intime d'adulte. Et ça fait vachement bien, ça permet d'y voir plus clair, hein, vraiment. Ah bah t'as des soucis dans la vie. Hein. 7h06, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69. Ça prend quelques secondes, c'est gratuit, c'est ce qu'a fait Anthony. Il habite Vendeuvre du Poitou, dans la Vienne. Et il touche 1200 euros chaque mois et il a décroché. Allô, Anthony ? Oui. Anthony de Vendeuvre du Poitou, dans la Vienne ? Oui, c'est moi. Putain, c'est long à écrire sur les enveloppes, t'as pas le. Ah bah oui. Vendeuvre du poids, tu peux plus écrire. Anthony, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Ah, oh, c'est Manu sur Énergie. Eh oui. Et Anthony, ouais. Je t'annonce que je double ton salaire de 1200 euros. Ça va passer à 2400 euros. Ah, oh, c'est bon ça. Merci, merci, vraiment, merci. Ah, et, c'est cool. Et bah tu vois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bah c'est exactement ce que je me suis dit il n'y a pas si longtemps que ça. Que ça n'arrivait qu'aux autres. Ah ouais. Et ben voilà. J'entendais les autres et je commençais à m'inquiéter. Ne t'inquiète plus Anthony, 2400 euros pour toi, ça arrive vite. Ah, tu c'est es, bon ça, c'est cool. Tu es téléconseiller pour Apple. Ouais, exactement. Je suis pour une plateforme et je suis pour le service client d'Apple. C'est-à-dire que quand on a par exemple un iPhone qui a un bug, un truc, c'est toi qu'on appelle. Exactement, exactement. Ok, alors j'ai une question. Est-ce que c'est un bug, un problème ou une fonction, la batterie qui reste 3 minutes seulement? Alors ça c'est un grand dilemme, mais ça peut venir de plein de choses. Des fois, le plus souvent, ça vient du logiciel. Mais enfin voilà. Ok, on est d'accord, le problème de batterie, c'est vous, c'est pas nous. Hein. Ah non, ça peut venir du logiciel dans le sens où ça dépend de l'utilisation de la personne. Mais après, comme ça, je pourrais pas te dire exactement. Parce Moi, je peux te dire, c'est l'utilisation de tout le monde. Moi, par exemple, ma batterie, elle tient très bien. Hein, et puis, elle tient une journée et demie. Hein. Une journée et demie, ta batterie Ah bah oui, sans pour autant jouer. Peut-être parce que utiliser un téléphone, c'est pas le poser sur le bureau et attendre. Hein. Anthony, c'est le téléconseiller un peu arrogant. C'est moi la mienne, elle tient, monsieur. Et la mienne est cassée. Ouais, moi je l'utilise très bien. Et vous? Et tu te fais engueuler, mais vous avez fait quoi avec votre téléphone? C'est un peu ça. Anthony, on te double ton salaire, 2400 euros. Cool. De quoi t'acheter de nouvelles batteries? Mais non, je vous dis que le mien, il marche bien. Bon, c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous tous. Eh ben merci à toi Anthony d'être là chaque matin avec nous. Et ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com tout à l'heure à 8h05. C'est peut-être vous qu'on appellera pour doubler votre salaire. Off and back sur Énergie. Bulletproof. You mentioned something about a room for two. Sur Énergie, on va écouter Aya Nakamura, il y aura aussi The Prince Karma. Later, bitches. Later, bitches. Et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui va appeler quelqu'un pour lui dire qu'il glande trop. Oh mais quel lourdeau. Non mais c'est vrai. Mais qu'il est pâteau ce Georges. Alors, ça arrive dans 5 minutes. Avant ça, vous allez pouvoir nous appeler au 0870 42 48. Pour partager avec nous ce que vous avez de spécial. Qu'avez-vous de spécial ? Quelle est la chose qui fait que ben, vous êtes hors du commun ? Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes unique, nous sommes tous uniques. Ouais. Vous avez donc forcément quelque chose de spécial. Moi j'ai un truc de dingue, Manu. Ah ben, si tu veux, tu le racontes. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler, ça peut être physique, ça peut être intellectuel, ça peut... vous êtes peut-être que vous avez quatre pieds. C'est pratique pour courir, par exemple. Oui. 0870 42 48. Quelle est la chose spéciale à savoir sur vous ? Isa, t'as un truc ? Oui. Qu'on ne sait pas ? Oui. C'est quoi ? J'ai une jambe plus grande que l'autre. T'as une jambe plus grande que l'autre ? Ouais, de 1,5 cm. C'est beaucoup, ça ? Bah oui, oui, oui. Mais non. Donc, c'est le premier truc que l'ostéopathe me dit quand je rentre dans le cabinet. Il me dit, ah, une jambe plus grande que l'autre. Mais c'est marrant, t'es à la tour de Pise. Ouais, c'est oui, ça. C'est ça. Mais j'ai jamais remarqué. Mais au niveau de tes jeans, du coup, tu dois avoir froid une cheville. Ben oui. C'est nul. Mais du coup, tu mets des chaussures spéciales ? Oh, mais je vais pas tout vous dire, mais c'est pas très glamour. Mais en fait, j'ai des semelles, ouais. Oui, c'est ça. Ça va, c'est pas honteux de dire les semelles. C'est vrai ? Bon, ça va alors. C'est pas très glamour. Mais du coup, tu boites quand tu enlèves tes chaussures compensées, là ? Un petit peu, ouais. Mais du coup, quand t'es chez toi, tu. Ouais, c'est comme un. Elle est bourrée, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, t'arrives pas à marcher loin. Là, tout allait bien, vous alliez pas vous moquer. D'un coup, bim, badaboum, ça y est, ça part. On essaye de se rendre compte de ce que ça donne. Non, mais surtout que si jamais tu cours pieds nus, je dois faire les tours sur toi-même, du coup. On m'appelle la toupie. Mais si tu fais des tours sur une montagne, par exemple, comme t'as un pied plus petit que l'autre, tu tournes tout le temps au milieu sur la montagne autour sans pouvoir te sortir et tu restes comme ça. Tu peux laisser Isabelle comme ça, elle s'amuse pendant une heure ou deux, tu vois. Tu dis, bah tiens, va courir. Elle est là, elle fait des ronds. Et toi, tu bois une bière. Et l'avantage, c'est qu'elle peut pas se perdre. Elle fait des ronds autour de la montagne. En fait, je regrette de m'être confiée là maintenant tout de suite. Tu m'aides. Mais ça va être compliqué chez toi avec tous tes enfants. T'es jamais en équilibre. Ouais, il y a un peu de ça. Non, mais quand il y a du vent, tu tombes. Non, ça, je m'accroche aux arbres. Oh, non, mais c'est dans la. Il y a des problèmes dans la vie quotidienne, je veux dire, ou ça va ? Ben non, c'est juste que quand même, tu peux quand même ne pas te tenir assez droit et avoir mal au dos. C'est pour ça que j'ai des petites semelles, quoi, voilà. Un centimètre et demi, c'est quand même beaucoup. Hein. Je sais si je pouvais l'avoir sur mon zizi, moi. La nature est mal faite. Hein. Bah oui. Elle m'a enlevé un centimètre et demi, elle l'a mis dans le pied d'Isa. 7h15, qu'avez-vous de spécial ? Quelle est la chose spéciale à savoir sur vous ? 0870 42 48, on vous prend au téléphone dans 5 minutes. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu et tous ces ouin-ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. does it ever help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill, can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. J'écoute Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et bien, comme elle m'écoute, on va mettre son titre. Ah, ah ouais, je suis facilement achetable, moi. C'est vraiment, Aya Nakamura arrive dans 2 minutes, mais avant ça, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est de retour. Et aujourd'hui, Georges a décidé d'appeler quelqu'un pour lui dire qu'il glande trop. Et la personne, évidemment, bah, ça l'énerve, ce qui est assez logique. Ouais. Je ne félicite pas Georges, mais on l'écoute quand même. Oui, allô. Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour madame. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous glandez trop. Qui vous a dit ce connerie? Un glandeur, je suis un glandeur. Mais vous êtes malade ma pauvre femme, ou alors vous avez bu. Vous êtes un glandeur, un super glandeur. Non, qui vous a dit toutes ces conneries là? Bon allez, laissez tomber madame, je suis assez grand pour me gérer, j'ai pas besoin d'écouter toutes ces conneries. On t'a reconnu? Avec ton slip, super glandeur. Foutez-moi la paix avec toutes vos conneries, là. Allez, super glandeur, arrête de boire des bières et va faire du sport. Mais qui vous a dit ces conneries? Mais qui vous a dit ça? Et vous, de la bière, j'en prends jamais. Bon, allez, foutez-moi la paix, ma pauvre femme, si j'ai pas été vous chercher. Arrêtez tout le cinéma, là, hein. Nous vous souhaitons une bonne journée. Oui. Au revoir, super glandeur. Vous me cassez les... avec ça. Ah, le mot bipé est à découvrir. Ah ouais. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. C'est pas bien ce qu'il fait, c'est pas bien. Non, c'est pas bien d'appeler les gens comme ça, mais il le refera demain matin. Ah. À la même heure. Aya Nakamura tout de suite sur Énergie. Juste après, on vous prend au téléphone au 0870 42 48. Vous nous appelez pour nous dire ce qu'il y a de spécial à savoir sur vous. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en telle. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Qu'il a fâché, je suis pas tout blanc bête à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser? Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. t'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu provisais dans le mix. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bomba. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Vita et Slimane, ça arrive pour vous et on va jouer au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Dans un petit quart d'heure, on vous offre la console de jeu de votre choix. Avant ça, 0870 42 48, vous nous appelez pour nous dire la chose spéciale à savoir sur vous. Qu'est-ce qui fait de vous une personne unique, la chose spéciale que vous avez. Florence, bonjour. Salut, salut Manu, salut les Wawouin. Salut. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi Florence? Et ben moi, en fait, j'ai dû me faire arracher une dizaine de dents. Sinon, en fait, ça ne serait pas tombé et j'aurais limite eu deux rangées comme, de dents comme les requins. Oh wow, ah ouais, incroyable. Tu t'es fait arracher une dizaine de dents parce que tu avais deux rangées de dents. En fait, elles ne tombaient pas du tout, mes dents de lait. Et du coup, si on ne les arrachait pas, en fait, je les aurais toutes gardées. J'avais au moins un centimètre de racine sur chaque dent. Mais du coup, c'est pas pratique d'avoir deux paires de dents, ça, tu mâches mieux. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ça faisait quand même un peu peur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça aurait pu être un peu comme un super-héros, quoi. T'as un super pouvoir. Ouais. Tu vois. Super dents. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Non, je crois que c'est mieux qu'on te les arrache. Merci de nous avoir appelé, Florence. Belle journée à toi. Sophie, bonjour. Allô. Sophie, une fois. Sophie, deux fois. Allô, oui, salut Manu, salut les ouin-ouin, pardon. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, j'ai dû appuyer trop fort avec mon oreille sur le téléphone. Ah, le classique. Le classique. Et évidemment, tu parles et tu t'aperçois que ton oreille, elle a appuyé sur le petit haut-parleur qui coupe, le petit micro. Sophie, à part ça, qu'y a-t-il de spécial à savoir sur toi? Eh ben, écoute, moi j'ai les œufs qui changent régulièrement de couleur. Un jour ils sont bleus, un jour ils sont verts, un jour ils sont gris. Voilà, j'ai du temps, des humeurs. Tes yeux changent de couleur, mais tu sais pourquoi? Ben non, je sais pas pourquoi, j'ai pas posé la question, mais... Mais est-ce que tu sais comment les faire changer? Parce que tu dis selon l'humeur. Non mais c'est vraiment selon ton humeur ou c'est selon le temps? Oui, non, j'appuie pas sur un bouton, Manu, hein. non, mais... non, c'est selon le temps en fait, en fonction de la luminosité. Ah d'accord, et puis, oui, c'est ça. Tu vois. Ouais. Est-ce que t'avais dit selon l'humeur? Alors je me disais, imagine, tu veux faire peur à quelqu'un, paf, les yeux rouges. Mais moi j'ai un peu ça aussi, j'ai mes yeux qui annoncent la météo. Ils sont verts et quand il va pleuvoir, ils tournent au marron un peu. Donc tu sais qu'il va pleuvoir. Ah ouais, ouais. J'ai jamais remarqué sur tes yeux. Ah, mais tu regarderas. Surtout en été, ça se voit. Putain, mais t'es mieux qu'une appli. Il faut toujours avoir un glandu sur soi, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais s'il va pleuvoir. Mais glandu, même, tu serais mieux en appli, hein. Parce que ça nous a rassuré. Merci de nous avoir appelé, Sophie. Stéphanie, bonjour. Salut, Vanille, salut à tous. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur toi de spécial? Alors, je m'appelle Stéphanie. Comme ma mère et ma fille. Oh ouais, enfin, y a rien de dingue, hein. Ça aurait été comme ton père, là, c'était mieux. Et pourquoi, non, je voulais pas le dire de suite. Pourquoi vous avez fait ça?

En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. TF1. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. La série événement de Jean-Jacques Hano, d'après le best-seller de Joël Dicker, continue demain. L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que les restes du corps de Nola Kellergan aient été découverts sur sa propriété. Il fallait que j'arrête ça. Patrick Dempsey dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, demain à 21h sur TF1. Avec Conforama, Noël est plus beau. Et si les cadeaux commençaient plus tôt cette année? Le calendrier de l'Avent, c'est dès le 1er décembre chez Conforama. Chaque jour jusqu'au 24 décembre, nous vous réservons une offre exceptionnelle. Alors rendez-vous vite en magasin et sur le site pour en profiter. Conforama, conditions en magasin et sur conforama.fr. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben dites toujours. Bon, ok, je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça? Faut être malin, chercher le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin, Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin, faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, bougez plus. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h32, on est en retard, tout va bien. On va écouter Vita et Slimane. On joue au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix dans 10 minutes. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Un léger mieux dans le ciel ce mardi avec moins de pluie en principe dans la moitié nord, mais quand même beaucoup de nuages, quelques toutes petites éclaircies. Et il pleuvra tout de même sur la Bretagne jusqu'à ce soir. Pas de souci en revanche dans le sud avec du soleil de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la région PACA. Cet après-midi, il fera 6 degrés à Sedan, comptez 8 au Mans jusqu'à 11 pour Toulon. Les années passent, le problème persiste, le nombre de bénéficiaires augmente encore au Resto du Cœur pour le lancement de la 34e campagne d'hiver ce mardi. En quelques mois, l'association va distribuer 130 millions de repas aux plus démunis grâce à ses 72 000 bénévoles. Et ils ont plus que jamais besoin de nous et de nos dons. Les infos sur restoducœur.org. Le nouvel organigramme des Gilets jaunes, 8 porte-paroles ont été désignés hier. Ils auront la lourde tâche de représenter le mouvement contre la vie chère. À commencer par aujourd'hui, avec la réaction attendue aux annonces d'Emmanuel Macron ce matin sur l'énergie. On parle d'un possible geste sur le prix du carburant. MeToo, balance ton porc, la parole des femmes se libère de plus en plus. Une nouvelle plateforme ouvre d'ailleurs aujourd'hui sur le portail du service public. Elle est dédiée aux victimes de violences sexuelles et sexistes pour qu'elles puissent entrer en contact avec la police et signaler tout abus. Plus globalement, une Française meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex. Comme dans les films, les services secrets ont arrêté un haut fonctionnaire du Sénat ce week-end. Un homme responsable du patrimoine mais aussi des jardins soupçonné d'espionnage pour le compte de la Corée du Nord. On passe au foot avec l'avant-dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. La grosse affiche du soir se déroule en France avec Lyon-Manchester City. Ce sera très compliqué pour des Lyonnais qualifiés, en tout cas en cas de victoire pour les huitièmes de finale. À suivre dès 21h. Demain, nouveau choc franco-anglais avec PSG-Liverpool au Parc des Princes. Il va enfin pouvoir souffler, Kygo vient de boucler sa tournée mondiale. Le DJ norvégien n'a pas perdu de temps pour sortir Happy Now, un single inédit avec Sandro Cavazza. Ensemble, ils voulaient saluer la mémoire d'Avicii. C'était une sorte d'hommage. J'ai découvert Sandro via la musique d'Avicii. Il a chanté sur plusieurs de ses morceaux. J'ai toujours été fan de ce qu'il faisait. On s'est retrouvés en studio en mai, tout juste un mois après la disparition d'Avicii. On a eu besoin de partager nos souvenirs, de parler de ce que sa musique représentait pour nous. C'est quand même grâce à lui que je me suis lancé comme DJ. Je n'en serais sans doute pas où j'en suis aujourd'hui sans lui. Il aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Voilà pour cette interview de Morgan Derrien. Kygo vient de boucler le tournage du clip d'Happy Now, une vidéo filmée avec tous ses proches. 7h35, c'est la fin de ce flash mardi 27 novembre. Manu dans 6-9, ça continue sur Énergie. Bonne journée. Il est 7h35, on va écouter Vita et Slimane, il y aura aussi DJ Snake avant 8h et dans 5 minutes, la console de jeu de vos rêves est à vous. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler, on joue au meilleur jeu radio du monde. Je le dis parce que c'est vrai. Ouais. Ça s'appelle le jeu des 5 mots. Si vous le connaissez pas, bah restez là et vous allez dire après. Putain, il avait raison le con. C'est vraiment le meilleur jeu radio du monde. Vous nous appelez, on vous offre la console de jeu de votre choix. Avant ça, quelques études. Oui. Les études font avancer le monde, sauf celles dont on parle chaque matin. On va commencer par une étude allemande qui a été publiée hier. Selon cette étude, les chimpanzés sont des manipulateurs. Moi. Oh là. Ah ouais ? Ils ont découvert que les singes étaient totalement capables de manière consciente d'utiliser d'autres chimpanzés pour leur bénéfice, pour parvenir à un objectif. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'ils se manipulent entre eux pour uniquement arriver à leur propre fin. Oh. C'est pas bien ça. Les chimpanzés, ils sont tordus. Oh. Ouais. Un point commun avec les humains. Bah oui. Ouais, c'est ça. Voilà, le point commun s'arrête là parce que je vous rappelle qu'on n'en est pas, nous, à jeter encore des boulettes de popo sur les copains pour rigoler. Non. Et on n'a pas prévu de le faire non plus. Autre chose, est-ce que vous aimez le chewing-gum, Isabelle ? Ouais, sans plus, non. Sans plus, Paulette ? Que cassis. D'accord. Si tu veux m'en offrir. On le sait maintenant, je suis dans le cassis. Bon. Pourquoi ? Selon une nouvelle étude américaine, je vous pose la question parce que mâcher un chewing-gum à la menthe par jour réduirait le désir sexuel. Ah bon ? Ouais. Ah ouais ? Oh non. Un chewing-gum à la menthe par jour réduit le désir sexuel. Aïe aïe aïe. Oh, c'est exponentiel, c'est-à-dire que plus on en mange, plus ça réduit ou pas ? Alors ça, je sais pas. Mais d'accord. Il suffit d'un seul chewing-gum à la menthe par jour pour. C'est fou, oh là, ça. Non. Ouais, ouais. Bah, je fais bien de pas en manger alors. Et moi, je sais faire des très très belles bulles de chewing-gum. Oh. Ok. Allez, dans 3 minutes, tristesse de la vie continue. Juste après Vita et Slimane, on joue au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Pour mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Les amis, nous allons faire du bien aux hommes. Parce que oui, trop d'hommes souffrent, trop d'hommes ont mal, trop d'hommes ont beaucoup, beaucoup de chagrin. T'en fais pas trop là, Manu. Non, je n'en fais pas trop. Non. C'est pour ça que nous allons ouvrir, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas ouvert, le centre d'accueil des hommes. Ah ouais. Dans même pas 10 minutes, on va vous prendre au téléphone. Vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48. votre femme, votre copine vous a grondé. Mmh. Eh bien, venez nous le dire. Ouais. Pourquoi elle vous a grondé? Et on sera là, on vous fera des câlins et des hugs. Mais oui. 0870 42 48. Vous pouvez nous appeler. Le centre d'accueil des hommes arrive juste après DJ Snake. Tout de suite, attention, Corentin est avec nous. Bonjour Corentin. Salut Manu, salut les bons. Corentin, salut. Tu es là pour jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Es-tu prêt? Ah ben carrément, je suis sous patate. Cool. Attention, les règles, je te les rappelle Corentin. Quelqu'un de l'équipe va sortir pour jouer avec toi ce matin, Isabelle. Ah génial, j'y vais. Cool. Attention, Isabelle sort du studio. Oui. Allez Isabelle. Trop mignonne. Elle est mignonne, elle en fait pas trop. Ouais. Ouh, c'est parti. Isabelle est dehors, elle est dans le couloir, elle n'entend pas ce qui se passe. Corentin, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Isa et je fais pareil avec elle. Et si vous avez un mot en commun, il suffit d'un seul sur les 5. Corentin, tu gagnes. Et tu gagnes la console de jeu de tes rêves. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une PS4 Pro, ce serait parfait. J'ai bien entendu, la Sega Mega Drive pour toi. Corentin. La PS4 Pro pour toi, elle arrive. Attention, c'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Place. Parking. Lancé. Vortex. Partager. Facebook. Compte. Instagram. Test. Culture. Ouais. Ils sont pas évidents les mots. Hein. Ah ouais, mais ça ouais, c'est pas facile. Non, j'avoue que là j'ai. Vortex. Si elle y arrive. Ah non, c'est facile ça, Vortex. Ouais. Ah non. Lancer Vortex. Ah ouais. Je sais même pas pourquoi. C'est un truc de jeu vidéo? Ouais, non. Un peu, ouais. Un truc de prof de PS. Ouais, c'est ça, c'est les fléchettes, les énormes fléchettes qui font du bruit quand tu lances, c'est le truc en mousse. Oui, ah, voilà. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, ah c'est bon ça les vortex. Ah, oui. Ouais. Ah, parce que pour moi, un vortex, c'est un truc genre. T'es perdu dans un truc? Ouais, ça, c'est une sorte de trou noir, comme ça, dans la science-fiction, quoi, le vortex. Ouais. Ou dans les jeux vidéo, t'as des vortex aussi. Okay. Bon, elle trouvera pas. Non, non, c'est pas non, non, c'est sûr que là-dessus, effectivement, vous jouez au jeu des 4 mots. Hein, allez, attention, on fait revenir Isa. Il suffit d'un mot en commun pour gagner. Ouais, Corentin, tu peux. Comptez sur moi, je suis à fond. Attention, c'est parti, on joue au jeu des 5 mots pour Corentin et sa PS4 Pro. Place. Public. Ah, aïe. Corentin a dit parking. Ouais. Ah ouais, pas du tout. Okay. On continue. Ok. Deuxième mot. Lancer. Oui, je te mets le buzz tout de suite parce que. J'allais dire attraper. Attraper, oui, bah, moi j'avais raison. Non, Corentin avait dit vortex. Ouh là là. Voilà. C'est quoi génial. Il reste 3 mots. Ok. Partager. Donner. Il avait dit Facebook, Corentin. Oh mince. 2 mots. Il reste 2 mots. Compte. Histoire. Oh mais oui, la maman. Mais non. Il avait dit Instagram, il est très très réseau social. C'est Corentin. Ah, oui. Ouais. Ah, là, là. Allez, je compte sur toi sur le dernier. Ouais. Un mot. Allez. Un mot pour gagner. Test. Essai. Corentin avait dit culture. Ah ouais. Ah bah oui, ça me rend triste. Si je puis me permettre. Mais c'est pas grave. Des deux côtés, c'était assez cohérent. Enfin. Mais on s'en fout. Oui. C'est pas le jeu, Paulette. Désolée. Non mais Paulette veut être gentille, effectivement. Elle c'était mignonne, cohérent. Ouais. Mais enfin, maintenant, on va expliquer à Corentin qu'il a pas sa PS4 Pro. Désolé, Corentin, tu l'as pas parce que vous étiez tous les deux cohérents. Non, la seule chose qui fera plaisir à Corentin, c'est évidemment que j'actionne le levier. Je suis désolé, Isabelle, la trappe va s'ouvrir. C'est comme ça. Ah, voilà, c'est pas grave. Corentin, tu nous rappelles quand tu veux, on te souhaite quand même une belle journée. Avec plaisir, vas-y, bise les mots. Gros bisous à ton lien, elle s'accroche encore. Oh non. DJ Snack sur Énergie, soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9, il est 7h45. On ouvre le centre d'accueil des hommes dans 3 minutes. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Si los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le va a él. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Okay, I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Énergie, 7h48 à 8h05. On va doubler votre salaire. On va s'écouter Jane dans deux minutes et tout de suite. De l'amour. De l'amour parce qu'on a besoin d'amour. Oh oui. On a besoin de se sentir aimé. On a besoin d'aimer. Ah oui. Tel est le titre de ma chanson. Aimer. On a besoin d'aimer. Ouais, c'est joli. Et d'aimer. On a besoin d'aimer. D'aimer. On a besoin. J'ai pas écrit les paroles encore. Oui, non, ça, ça se voit. C'est ça, ah, d'accord, ouais, c'est ça. Nous ouvrons comme premier le centre d'accueil des hommes. Votre femme vous a grondé. Votre copine vous a grondé. Et vous avez les boules. Ouais. Eh bien, venez nous en faire part. 0 870 42 48. Nous accueillons d'abord Julien. Julien, bonjour. Salut Manu. Oh là là, je sens à ta voix que déjà tu trembles. Nous sommes là pour toi, Nico Glandu. Ouais. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Salut, salut. Je m'attendais à un bonjour un peu plus. Ouais. Mais Glandu faisait une sieste. Oui, pardon. Non, c'était un moment, toi, je me disais qu'on pouvait accueillir Julien. Ah, ouais. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Pardon. Bonjour Julien. Tu étais en train peut-être de jouer une bataille navale sur ton téléphone. Exactement, c'est ça. Je comprends, c'est le plus important, pardon. On refait. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Voilà. Salut Glandu, salut Nico. Julien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'homme? Tu t'es fait gronder par ta femme ou ta copine, on t'écoute. C'est ça, donc je me suis fait gronder parce que j'ai rentré la moto dans le salon. Il est beaucoup trop fort dans le garage. Attends, pardon. Tu as rentré la moto dans le salon? C'est ça. Mais pourquoi tu fais ça? Pour la mettre au chaud. Voyez. Parce que dehors, il fait trop froid. C'est ça. Ah, et elle t'a grondé parce que la moto était dans le salon. Alors que ça peut servir d'armoire, une moto, ou d'étagère. Je dirais plus de porte-manteau. Ou de porte-manteau. C'est exactement. Le mot que tu cherchais. Oui, c'est une utilité. Non, si, moi je voyais des pots de fleurs, tu vois, étalés comme ça tout le long de la moto. Effectivement, on peut mettre des trophées dessus. Tu vois, ça sert à plein de choses. Et surtout, c'est très original comme décoration. Bien sûr, ouais, les invités, mais évidemment, elle, ta femme, elle n'a pas vu ça. Non. Elle a vu juste le moteur et les roues sales. Et elle se permet de juger quelqu'un uniquement parce qu'il a des traces sur les doigts, ce n'est pas bien. Ne jugez pas les gens sur leurs apparences, ne jugez pas les motos sur leur Karcher. Ouais, c'est bien. Ça veut rien dire. Non, mais c'est le centre d'accueil des hommes, foutez-nous la paix. Merci Julien de nous avoir appelé. Fabrice, bonjour. Salut Manu. Ta femme t'a grondé, Fabrice ? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait gronder parce que notre fille de 10 ans a ramené une mauvaise note en maths et c'est moi qui l'avais fait réviser. Bah. Elle a quel âge ta fille ? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Elle a eu un 8 sur 20 en maths. Ah oui. Ah. Ça portait sur quoi ? Sur les fractions, j'ai passé tout un week-end à lui faire réviser. Malheureusement, elle est revenue avec un 8 et on s'en prend à qui ? Mais à toi, évidemment. Voilà. Ouais. Mais ce n'est pas sûr. Peut-être qu'elle aurait peut-être dû à ce moment-là, elle aussi, la faire réviser. Bah, oui, parce que pendant que toi, tu travaillais avec ta fille, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle prenait un bain moussant. Ouais. Non, mais Manu, par contre, les maths, il vaut mieux que ce soit moi qui la fasse réviser. Fabrice, vu le résultat, je pense qu'il faudrait peut-être passer une troisième personne. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Merci de nous avoir appelé, Fabrice. Nous avons le temps de prendre Serge au téléphone. Bonjour Serge. Bon, salut Manu, salut. Bienvenue sur Énergie, Serge. C'est le centre d'accueil des hommes. Tu t'es fait gronder par ta femme, on t'écoute. Exact, je me suis fait gronder par ma femme parce que j'ai laissé le rouleau de papier WC avec une seule feuille dessus sans le changer. Oh. Ah. Ça, je ne comprendrai jamais. Jamais. Pourquoi vous nous grondez pour ça ? Mais parce que c'est tellement facile et rapide de juste changer le rouleau. Ok, imagine, imaginez, tous les rouleaux du monde entier maintenant, là, sont tous vides à part une feuille. Ok, imaginez, vous voudriez qu'on jette tout ça, toutes ces feuilles qu'on les jette, plutôt que d'utiliser la dernière feuille. Ça veut dire, vous vous rendez compte, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tuer la forêt amazonienne. Vous êtes en train de faire un bras d'honneur à Raoni et ses potes. Voilà ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai, c'est pas bien. Alors. Mais Manu, t'es de mauvaise foi, arrête. Tu sais très bien, vous avez la flemme de le changer. Oui, c'est le principe du centre d'accueil des hommes. Oui, je suis de mauvaise foi. Oui, il faudrait qu'on le change. Oui, c'est vrai que lorsqu'il y a la bouteille de jus d'orange, on la boit au goulot et on la remet dedans dans le frigidaire. Mais merde, c'est le centre d'accueil des hommes. Merci de nous avoir appelé, Serge. Merci à toi, Manu. Salut à tous. 7h53, je crois qu'il y a un bip chez toi, Serge, apparemment d'une alarme. C'est ma femme. Ah, attends, lui a installé, un GPS. Je sais pas ce qui bip, mais va checker. 7h53, Jane sur Énergie. À 8h05, on double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On est avec vous, on démarre cette journée ensemble. C'est le 27 novembre, on est mardi, c'est Énergie. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be dans 4 minutes, il y a les infos qui arrivent et on va s'écouter d'Adjo. Le titre préféré de Glandu. Ouais. Mais oui. Trop content. Bah écoute.

Oui, mais c'est Évian-les-Bains. Oui, j'ai jamais dit Évian-les-Bains, j'ai toujours dit Évian. Ah non, je crois que c'est le nom complet, je crois que c'est Évian-les-Bains. Ah ouais. On dit toujours Évian. Ouais, bah c'est une ville thermale quoi. Mais l'eau d'Évian qui vient de là-bas, pourquoi on dit pas l'eau d'Évian-les-Bains? Parce que c'est trop long sur la bouteille. Ah bah c'est trop long sur la bouteille, pourquoi c'est pas trop long ici à dire? C'est quand même bizarre cette histoire. On va les appeler, on va appeler ça Bordeaux. Allez. Amandine habite Bordeaux, elle a 22 ans. Elle touche 975 euros chaque mois. On l'appelle. Amandine, tu décroches ce téléphone, tu réponds à ma question et tu as ton salaire doublé. Allô? Allô, c'est Amandine? Oui. Amandine de Bordeaux? Non. Ah, c'est un piège. Amandine d'Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu Ferreira! Ouais! Amandine, je t'annonce que ton salaire, nous allons nous en occuper plutôt pas mal puisqu'on va le doubler. 975 euros x 2, ça va faire 1950 euros pour toi. Trop bien, merci. Eh ben oui, c'est pas mal. 975 euros, c'est pas beaucoup, c'est un mi-temps? Oui, c'est ça, tout à fait. Eh ben voilà, tu vas travailler à mi-temps, sauf que tu auras le salaire d'un plein temps, c'est plutôt bien vu. C'est ça. Voilà. Alors, juste un truc, ôte-nous d'un doute. Évian-les-Bains, c'est la ville d'Évian, quoi, c'est celle qu'on appelle Évian. Oui, c'est ça, c'est la bouteille d'eau, en fait. Voilà. Mais alors, pourquoi sur la bouteille d'eau, il y a marqué Évian, alors que la vraie ville, c'est Évian-les-Bains? C'est un raccourci. Ah, mais à ce moment-là, si on laisse les raccourcis aller, après, on va l'appeler la bouteille d'Ève. Bah oui. C'est ça. Alors, c'est toi le relou qui écrit au service client pour te plaindre de ce genre de truc? Non seulement je vais écrire, mais je vais demander à être remboursé de toutes les bouteilles d'Évian. Parce qu'on m'a menti depuis des années. Amandine, tu es maquilleuse. Oui, c'est ça. Mais maquilleuse pour genre les films, le cinéma ou dans quoi? Alors, en fait, je travaille dans une boutique. Et je maquille donc les mariés et puis lors des événements du style Halloween ou le carnaval. Oh, ouais, c'est super. Mais les mariés, tu les maquilles sur le mariage, elles viennent pas au magasin, si? Si, elles viennent à la boutique, on fait pas à domicile. Donc elles viennent à la boutique, mais sans leur robe. Hein. Oui, j'imagine. Excusez-moi, j'ai taché la robe. Oh, vous en aurez une autre? Ah non, là non, du coup. Après, il faut pas se planter l'événement, quoi. Si ouais. la mariée oui, vient et que tu la déguises pour Halloween, c'est un peu ouais, compliqué. C'est ça. Je pense. Ça peut être un peu tendu. Et on imagine, je me marie demain et je viens te voir et je vais avoir un beau grand regard. C'est quoi l'astuce en maquillage? Bah en fait, si elle te dit. Si elle te dit l'astuce, en fait, elle va perdre son boulot. Donc. Ouais. Voilà, c'est un secret, il faut que je garde mes sources aussi. Ah. Évidemment. Et c'est quoi le maquillage le plus long que t'aies fait, Amandine, en termes de temps? J'ai fait un maquillage spécial thème La Reine des Neiges pour un mariage. Ouais. Et j'ai passé 2h30 dessus. Elle était un peu exigeante, mais au final, elle était tellement contente, elle était magnifique. Mais 2h30, thème Reine des Neiges, t'as maquillé la mariée en Reine oui, des Neiges? Et oui. Mais tu lui as fait quoi? Je lui ai fait les yeux bleus, plein de paillettes partout, le teint rayonnant, mais elle était magnifique quoi. Oh, les paillettes, son mec il a dû tellement être énervé, il a dû lui en foutre plein sur le costume. Vous savez combien ça coûte un costume de mariage? Vous savez combien ça coûte? Alors si c'est pour se taper les paillettes dessus qui partent pas et que tu dois envoyer au pressing à 150 balles le costume? Merde! En vous souhaitant un beau mariage. Ah ouais. Amandine, on te double ton salaire, bravo à toi, 1950 Merci euros, ça arrive beaucoup. Très vite. Gros bisous et ça peut vous arriver. Vous aussi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Energie.fr ou manudansle69.com. Dans 3 minutes, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Tous les jours, on vous raconte leurs histoires et on se dit qu'il y a pire que nous dans le monde. C'est uniquement pour ça qu'on vous raconte leurs histoires. Bon réveil sur Energie. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne a des points. Tu as beau, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tu as beau, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon. On va écouter Dadju, il y aura aussi Lady Gaga et Bradley Cooper. Et on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Et on va écouter aussi les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le système. Vous en envoyez plein, on les écoute tous. Et Nico les partage avec nous, ça va être dans 5 minutes. Avant ça, voici les cocons du jour, comme chaque matin. Des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre en Finlande. En ce moment a lieu la Coupe du Monde de ski de fond. Et lors de l'épreuve du sprint masculin, un skieur norvégien arrive en tête. Il est à 3 mètres de la ligne d'arrivée. Il se dit c'est bon, je vais gagner. Il arrête d'accélérer. Sauf qu'il oublie de regarder derrière lui. Et un skieur russe qui était juste derrière lui profite de ce moment de relâchement. Paf, il le double, il gagne, il devient le champion du monde de sprint. C'est horrible, ça. T'as le mec qui lève les bras, c'est encore qu'il a gagné et t'as l'autre qui passe. C'est dur. Et voilà, non seulement t'as la loose, mais en plus, comme c'est filmé, je pense que tu vas le revoir tous les ans dans le bêtisier sport. C'est sûr. Courage, bonhomme. Deuxième concours du jour, ça se passe à Angers. Un homme est jugé au tribunal pour avoir conduit en état d'ivresse. L'affaire a été jugée en 30 secondes et il a été immédiatement reconnu coupable. Parce qu'il est venu au tribunal. Alors je cite son avocat, en ricanant bêtement, encore plus ivre que lors de son arrestation. Ça, c'est son propre avocat qui le dit. Même son avocat l'a lâché. Bernard, là, franchement, il n'y a plus d'arguments. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il a reçu sa peine dans la bonne humeur. Aux États-Unis, un homme est arrêté en plein cambriolage dans une maison. Il se fait arrêter. Et là, avec un aplomb d'enfer, il dit... Attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis entré par effraction parce que je suis un espion. J'ai une mission concernant le propriétaire de cette maison. Sauf que, évidemment, pas du tout. Et en plus, il avait sur lui un sac à dos rempli d'objets volés. James Bond 000. Allez, 8h14, on vient tout de suite. Si je t'ai vu, je suis jaloux. On va écouter Dadju et on va écouter aussi les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui va les partager avec nous. Vous allez faire la connaissance de la femme la plus tendue de France. Elle en bleu globalement au monde entier, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est pas un gilet jaune qu'elle a, elle, mais c'est un manteau de fourrure, quoi. Carrément. Fourrure artificielle, bien évidemment. Synthétique. Hein. C'est important, évidemment. Puis voilà. Et la fourrure jaune, c'est bien connu, c'est. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Mais c'est qui dans le 6-9? Sur énergie. Words of love.

tout le monde sait que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, en femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux, quand j'aime je suis jaloux. Bon réveil sur Énergie. On va écouter Big Flo et Oli. Il y aura aussi Shotgun, c'est Jean Gézra. Mais avant ça, on se fait plaisir. On se fait plaisir grâce à vous. Vous nous envoyez des messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et vous nous envoyez des messages vocaux aussi sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas. Nico lit tout, Nico écoute tout. Oui. Il le partage avec nous maintenant. On va tenter de répondre à des questions que vous nous posez sur Facebook, Twitter et Instagram. Ah, on va tenter. On démarre avec Lucas qui dit: je commence un nouveau travail demain, je ramène un gâteau ou un truc dans le genre. Ah, c'est chaud si tu connais pas les gens. C'est bizarre, ouais, c'est ça. Un truc. Faut ramener des chocolats mais bien fermés, sinon les gens voudront pas y toucher, tu sais, vu qu'ils te connaissent pas. Mais le premier jour, je sais pas, le premier jour t'arrives, tu fais discret, tu vois, et ensuite t'apportes un gâteau, non? Mais pas du tout, c'est comme quand t'as des nouveaux voisins, tu vas les voir, coucou, un petit gâteau, tu partages un moment avec eux. Tu nous as pas apporté de gâteau quand t'es venu rejoindre l'équipe, toi? Ah non, c'est vrai, j'ai zappé. Fais ce que je dis pas ce que je fais. Demain gâteau. Ok, je vous fais un gâteau. Non, ne le fais pas. Arrête, je te dis bien. Bon, une autre question de Sandro sur Twitter: ne mentez pas, combien de fois vous vous brossez les dents par jour? Par jour? Ok, on fait un tour de table sans mentir. Ouais. Deux fois. Ouais, moi aussi, Manu, matin, soir. Ok, non, moi c'est deux fois à midi, je groupe les. Matin et soir. Isa, Paulette? Deux fois. Ok. Ouais, deux à trois fois. Ah ouais, trois fois glandu. Ouais, parfois le midi. Non mais si, le midi. Mais t'as une brosse à dents sur toi? Bah j'en ai une là dans mon sac, je peux te la montrer. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. J'ai une brosse à dents dans mon sac, ouais. Sors là, vas-y, sors là. Ouais. Alors, ouais, je le connais glandu, hein. C'est au cas où il a un rendez-vous galant. Ah c'est ça. Ah bim. La petite brosse à dents. Mais alors, mais ouais, pourquoi? Pourquoi quoi? Parce que c'est bon de se laver trois. J'avais lu ça, que c'était bien de se laver les dents trois fois par jour. Oui, et en plus, bon. J'aime bien avoir une haleine irréprochable. On sait jamais sur qui on peut tomber. Alors là, franchement, l'amour est au coin de la rue. En tout cas, le truc bon à savoir maintenant, c'est si vous nous croisez, c'est mieux de nous croiser plutôt le matin ou le soir, mais pas le midi. Bon, un autre message de Charline qu'on a reçu sur Facebook, elle dit: je suis infirmière et non, je ne porte pas de crocs, bisous. Voilà. C'est important de le dire. Que ça sort du cœur. Et une dernière question d'Alice sur Twitter qui dit: est-ce que c'est normal de déprimer avec ce temps, ce froid et cette nuit à 17h30? Alors oui, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai l'impression que le matin, on travaille de nuit, que je rentre chez moi et que la nuit retombe. C'est ça. Je pense que la prochaine porte que j'ouvrirai, la porte sera la porte de la mort. On reçoit aussi les messages vocaux sur notre application Maillon 6-9. Et Noël arrive, et les messages de Noël aussi. Ça démarre avec Fissou. Coucou Manu, coucou les ouin-ouin. Bon bah moi je voulais vous partager un petit moment de vie. Ça y est, on a enfin fait le sapin à la maison. Et vous, vous en êtes où? Vous avez commencé? Alors pas du tout. Pas du tout. Je sais que j'ai commandé un sapin, parce que dans mon petit village on peut commander les sapins. Mais alors j'ai pas noté la date. Non mais attends, on est un mois avant là quand même. Il va faner, non? Il va faner, je veux dire il va faire ses épines. Un mois avant? Attends, je suis en train de regarder la date à laquelle je dois aller chercher le truc. Je sais que c'est une galère tous les ans. Dis donc, t'es bien organisé, Manu, c'est bien. C'est le samedi 8. Ah, c'est bien. C'est sur la place du village si vous voulez venir m'aider à prendre le. Pas dispo. Et surtout que les fleuristes n'ont pas encore les sapins là. Tu vois, j'ai pas encore vu les sapins. Si, ça commence là. Ouais, quand même. Parce que moi, c'est ça qui m'y fait penser. Sinon, j'y pense pas. C'est génial. Un jour, Paulette, elle sera dans sa voiture, elle conduira, elle va se faire arrêter par un policier qui va lui demander son permis. Et là, elle va faire: ah oui, c'est ça. Merci de m'y faire penser, il faut que je passe mon permis. Ah ouais. Bon, okay. Un autre message vocal, ça faisait longtemps, un petit coup de gueule en chanson. On a lancé le concept il y a quelques semaines et ça marche bien. Celui-là, il est sur un air de 3 cafés gourmands et on a une femme un peu tendue, un peu beaucoup même. Comment puis-je commencer

T'imagines, ce soir, Manchester gagne contre Lyon? Oh là, ce sera un coup du sort. Sauf si l'entraîneur de Lyon prépare une tactique. Ah, ça peut être un coup de génie. Et du coup, on bat Manchester une nouvelle fois et à domicile. Oh, alors là, ce serait le coup de grâce. Par contre, mon patron m'invite à voir le match chez lui. Ouh, coup dur. Tiendrez-vous le coup pour le match Lyon-Manchester City. Ce soir, à 21h en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19€ par mois en abonnement digital. Intersport. Tous les ans à Noël, les Durand offrent un vélo à leur fils. Il grandit tellement vite. Mais depuis qu'ils ont acheté le vélo évolutif NAC à COPS... C'est génial, le même vélo pendant 4 ans. Faudra juste trouver une nouvelle idée cadeau pour l'année prochaine. Votre enfant grandit, son vélo aussi. Célébrons Noël chez Intersport. Le vélo Evo Concept Nakamura NAC à COPS, qui grandit avec votre enfant de 3 à 7 ans, est à seulement 89,99€ pour 100% d'aventure en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions sur intersport.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 8€ en bon d'achat tous les 25€ d'achat sur tous les chocolats de Noël, comme Lin, Ferrero, Kinder. Non mais 8€ en bon d'achat. Résultat des courses, je me prépare un Noël de folie. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, avec votre carte Carrefour, profitez de 8€ en bon d'achat tous les 25€ d'achat sur tous les chocolats de Noël. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre, offre limitée à 75€ d'achat. Modalité et magasins participants est ouvert sur carrefour.fr. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h31, juste après les infos. On va écouter Georges Ezra. Et attention, j'ai 1000€ pour vous. Ah, ouais. 1000€ à vous offrir maintenant. Et je rajoute le jeu Best of Logo parce que c'est grâce à eux qu'on vous offre 1000€. Ouais. Le principe est très simple. Je vais vous poser une question du jeu Best of Logo. C'est un jeu sur les marques. Vous donnez la bonne réponse en m'appelant au 0870 42 48. Vous êtes le premier. Vous repartez avec ces 1000€ et le jeu Best of Logo. Voici la question. Ouais. Que fait la marmotte avec le chocolat dans la publicité de Milka? Vous avez la réponse, 0-870-42-48, les 1000€ sont à vous. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Un léger mieux dans le ciel ce mardi. Moins de pluie en principe dans la moitié nord, mais quand même beaucoup de nuages, quelques toutes petites éclaircies au programme. Et il pleuvra beaucoup aussi sur la Bretagne jusqu'à ce soir. Pas de soucis en revanche dans le sud, avec du soleil de la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA. Cet après-midi, il fera 6 degrés à Sedan, 8 au Mans, jusqu'à 11 pour Toulon. Le chiffre du jour, 34, comme le nombre de campagnes d'hiver des Restos du Cœur. C'est donc reparti pour l'association qui va délivrer plus de 130 millions de repas aux plus démunis dans toute la France. Les restos, ce sont 860 000 bénéficiaires, 72 000 bénévoles mobilisés et ils ont plus que jamais besoin de nos dons. Les infos sur restosducœur.org. Une manif maintenant, celle de l'UNEF, l'un des principaux syndicats dans les facs françaises. Ses représentants appellent les étudiants à se rassembler à Paris samedi. Il s'agira de dénoncer la hausse des frais d'inscription pour les étrangers dans les universités françaises. La mesure vient tout juste d'être annoncée. Dans l'actu également, cette plateforme dédiée aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Il s'agit d'un portail ouvert sur service-public.fr. Toutes les femmes peuvent prendre contact, celles qui ont été victimes. Elles peuvent prendre contact avec la police lorsqu'elles se sentent en danger. Plus globalement, une Française meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex. Une Française meurt tous les 3 jours. Le bureau des légendes version live. Les services secrets ont arrêté un fonctionnaire du Sénat ce week-end, un homme responsable du patrimoine mais aussi des jardins. Il est soupçonné d'espionnage pour le compte de la Corée du Nord. Deux chocs franco-anglais cette semaine en Ligue des Champions de football. Le premier a lieu ce soir à Lyon entre l'OL et Manchester City. Un exploit, autrement dit une victoire, enverrait les Lyonnais directement en 8e de finale à une journée de la fin de la phase de poule. Ce sera à suivre dès 21h ce mardi. Demain, le PSG devra absolument s'imposer au Parc des Princes contre Liverpool. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pourtant, Kygo lève légèrement le voile. Le DJ norvégien a décidé de montrer les coulisses de sa vie dans le clip de son nouveau single Happy Now. Il vient d'en terminer le tournage. C'est une vidéo très personnelle. Je n'ai jamais vraiment partagé l'envers du décor comme ça avec mes fans. Ce que je fais quand je suis chez moi, quand je ne suis pas en tournée. J'y montre ma vie et un côté de ma personnalité qu'on ne connaît pas. On me voit finalement là où je suis le plus heureux, avec mes amis, ma famille, ma copine. Le rendu est très cool. Interview signé Morgan Derrien, Kygo en plein boulot aussi sur son nouvel album. album à découvrir bientôt. 8h34, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 27 novembre et comme chaque matin, vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bon réveil et bonne journée. On est là avec vous comme chaque matin. Soyez les bienvenus dans ce 27 novembre. Bonjour mardi. Bonjour mardi. Les wawas du matin sont là, vous venez les entendre crier. Ils sont heureux, ils sont joyeux. Il y a Isabelle. Oui, en pleine forme. Il y a Nico. Salut. Il y a Paulette. Il y a Glandu qui est là. Show, show. Et nous avons Arnaud avec nous au téléphone. Bonjour Arnaud. Bonjour, salut les wawas. Salut. Arnaud, sois le bienvenu sur Énergie. J'ai un beau cadeau pour toi. Je vous ai posé. Oh, fais pas. Ah, t'es là pour ça. Ah oui, je suis là pour ça, bien sûr. Je vous ai posé une question juste avant les infos, une question du jeu Best of Logo. Grâce à eux, je vais t'offrir dans un instant, si tu as la bonne réponse, Arnaud, 1000 euros et le jeu Best of Logo. La question était la suivante, elle est sortie du jeu. Que fait la marmotte avec le chocolat dans la publicité de Milka? Tu as le temps de réfléchir. Tu peux utiliser un joker parce que j'invente les règles au fur et à mesure. Ah ouais. Tu peux appeler un ami. Tu peux consulter les marmottes. Arnaud, que fait la marmotte dans la publicité Milka? Alors la marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier alu. Absolument, et c'est gagné. Et Arnaud, 1000 euros cash pour toi et le jeu Best of Logo, c'est plutôt pas mal avant Noël. Ah ouais, ça c'est sûr, hein, ça fera des beaux cadeaux. Non, dis pas que t'as gagné, tu les gardes pour toi. On verra. Voilà. Bravo. Merci. À toi. Et demain, on aura encore pareil, 1000 euros avec le jeu Best of Logo à vous offrir, ce sera à la même heure, avec une question encore plus facile. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Georges Ezra tout de suite sur Énergie. Juste après, c'est les sondages du matin qui arrivent. Comme chaque jour, ce sera pour vous dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a song, 8h39, Big Flo et Oli arrivent pour vous dans deux minutes. Et avant ça, comme chaque matin, environ à la même heure, parce qu'on n'est jamais vraiment à la même heure, rapport au fait qu'on est toujours en retard. Voici les sondages du matin. En oui. moyenne, en une journée, les femmes le font 3 fois plus que les hommes. D'après vous, de quoi il s'agit? Oh bah réfléchir. Oh, les deux pieds dans le plat. Bah ouais. Oh là, tout de suite, tu sais quoi? Maintenant, on est bien, tout de suite, on se sent agressé. On est plus dans la réflexion, c'est pas une vanne, c'est vrai. Ah ouais. Non, on analyse tout le temps. Oui, et ben c'est pas ça. Ok. Voilà. Pensez au sexe. Non. En une journée, les femmes le font 3 fois plus que les hommes. C'est un truc qu'elles font seules ou pas? Non, non, non, non, non. Oh, il y en a qui le font seules, mais c'est pas, a priori, c'est pas là, le truc. C'est quelque chose de positif? Ni positif, ni négatif. Enfin, oui, il y a un moment, ça peut être négatif un peu. Ah, ah ouais? Oui. Ouais. Elle parle trop? Exactement. Le trop, c'est pas dans le sondage. En moyenne, en une journée, les femmes parlent 3 fois plus que les hommes. Plus précisément, les femmes prononcent 21 000 mots par jour contre 7 000 pour les hommes. Vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pas mettre encore les deux pieds dans le plat, mais c'est parce qu'on vous répète 2 fois la même chose. Non. Non, mais c'est parce qu'il y a trop de détails, je suis désolé. Ouais, c'est quoi. Ça. Mais un résumé de journée, ça dure 1000 ans. Mais, oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même façon de raconter les choses. Ouais. Mais regarde, par SMS, nous, un OK suffit. Mm-hmm. Vous êtes obligé de débattre, et raconter plein de trucs. Mais c'est pour ça qu'on vous écoute pas tout le temps. Parce que si on écoute un tiers de ce que vous dites, ça suffit en fait. Oh, n'importe. Non, mais c'est vrai. Bah si, à l'essentiel. Vous manquez de concision, quoi. Mais ouais. Pas du tout. On est généreuse même dans les mots, même dans ce qu'on vous écrit. Voilà, c'est tout. Et vous le voyez pas. Voilà, déjà, par exemple. Un parent sur deux dit avoir déjà volé ça à son enfant. C'est pas bien. C'est quoi? Son argent de poche? Non. Son shampoing? Non plus. C'est pas un vêtement? C'est pas un vêtement. Non. Okay. Il sort le matin, il dit, oh, il fait froid, donne-moi ton pull. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qu'ils leur ont acheté? Oui, ils l'ont acheté pour les enfants, mais c'est. Bah, ils le volent. Ça se mange? Ça se mange, absolument. Voilà. Ouais. Le goûter dans le cartable? Non. Les bonbons? Ça peut être un bonbon. Ah ouais, un chocolat? Un chocolat, mais c'est. Alors, faut être un peu plus précis, je vais vous donner le truc. Ouais. Un parent sur deux dit avoir déjà volé à son enfant un chocolat du calendrier de l'Avent. Oh. C'est pas sympa ça. T'imagines? Alors, on est le 12, il y a un pain de chocolat! Ah ouais. Ouais, mais ça doit être à l'usine, ils ont oublié. Hein. Ouais, c'est ça. Je le faisais à mon ex, ça. Et je refermais bien le truc et je disais défaut de fabrication. Un Français sur 4 en a au moins une. Voilà. Un Français sur 4 en a au moins une. De quoi il s'agit? Une bouillotte. Non. C'est drôle de penser à ça. Ouais. Une montre. Non plus. C'est vivant ou pas? Non, c'est pas vivant. Non, c'est pas. C'est pas humain, quoi. Non. C'est pas un objet. Non, c'est pas un objet. C'est un truc pour de bonheur. C'est un peu un concept. Un concept. C'est un concept. Si je vous dis quoi, c'est un truc qu'on a sur soi. Ça peut être considéré comme une sorte de maladie. Ah, une phobie. Non. Oh. Hein? Une allergie. Une allergie. Bonne réponse de Paulette. Oh, attends, bougez pas, je note. Quoi? On est le combien? Le 27 novembre? Ouais. Paulette a donné une réponse à un sondage. Ah ouais. Bravo Paulette. Merci, bravo. Je me sens pas du tout mal. Attendez, c'est une caméra cachée. Mais oui. Un Français sur 4 a au moins une allergie. C'est énorme. Ah ouais. Bah oui. On peut lancer un sujet si vous avez une allergie bizarre. Si vous en avez pas, du coup, on dira que c'est un sujet de merde. Ok. Ouais. Moi, j'en ai une hyper, hyper bizarre et très gênante. Ah! C'est vrai? Oui, c'est vrai. Garde-la. Ok. Est-ce que vous avez une allergie bizarre, une allergie surprenante, une allergie que vous ne dites pas, mais vous allez quand même nous la raconter? Ouais. 0-870-42-48, appelez-nous. Quelle est votre allergie bizarre? On peut balancer quelqu'un ou pas? Ah oui, cool! Allez. C'est quoi? C'est encore mieux! Et c'est encore mieux si c'est quelqu'un de connu qui a une allergie honteuse. Ça, c'est cool! Yes! On vous prend au téléphone juste après Big Flo, Oli et Petit Biscuit sur Énergie. 8h44, bienvenue. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit Biscuit! Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. plus à rien, rien, rien, rien. T'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux, on croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Bienvenue sur Énergie. Calvin Harris, on va se l'écouter dans 3 minutes. Mais avant ça, on parle d'allergie, d'allergie bizarre. Je vous rappelle ce chiffre, on l'a eu dans les sondages du matin. Un Français sur 4 a au moins une allergie. C'est quand même beaucoup. Mais oui. Est-ce que vous avez des allergies bizarres, étranges? Alors Isa, elle nous a dit, j'en ai une qui est très gênante. Ah ouais, c'est la honte. En fait, je suis allergique au chlore. Du coup, je ne peux pas aller à la piscine ou quand j'y vais pour faire plaisir à mes enfants, et ben je me retrouve avec des espèces de grosses boursouflures comme des brûlures partout sur tout mon corps. J'en suis couverte et je suis en plus j'ai plein de taches rouges. Et alors là c'est affreux parce que bon mes enfants sont contents mais quand même c'est un peu la honte. Bah oui. Ah bah c'est dur ça. Mais alors il faut aller dans des piscines où ils utilisent pas de chlore. Bah il y en a pas. Parce que sinon tu vas faire peur aux autres. Hein. Ouais, ça, faire peur aux enfants quoi. Ouais. Bon, enfin, n'exagère pas quand même. Hein. Non, mais là, comment tu t'es décrit je pense que la piscine, elle est vide. Hein. Non, mais c'est vrai que. Puis déjà, dès le départ, hein, tu fais peur aux enfants. Mais comme tu sais que pourquoi tu y vas, comme tu sais que t'es allergique. Non, j'y vais vraiment très rarement, mais parfois, pour leur faire plaisir, je leur dis allez, ok, on y va, maman aura des boursouflures, tant pis. La phrase. Mais avec les boursouflures, tu peux pas nager, non ça... Si, ça va quand même, je peux nager. Hein. Mais bon. T'as toujours eu ça? Toujours depuis que je suis petite. Et ça parle pas allergie au chlore. T'imagines le hubernum Michelin dans la piscine, elle flotte comme ça avec ses. Laissez-moi, je fais plaisir à les enfants. Oh, c'est dur. Et le maître nageur, sauvez-moi. Bah non, moi je touche pas à ça. Il faut la battre, amener Bernard, amène la carabine. Non, arrête. Jessica, bonjour. Salut Manu et toute l'équipe. On parle d'allergie bizarre, apparemment tu en as une étrange. Oui, c'est ça. Alors moi, Manu, je suis allergique au gazon. Oh. Et je ne peux pas faire de pique-nique ni de sieste au parc. Oh. Est-ce qu'un pique-nique, si tu t'assieds sur la couverture? Sur la couverture, ça va. Mais si je m'assieds sur l'air, je ne peux pas. Oh là là, c'est dur. Ça te fait quoi sur la peau? Eh ben, du coup, j'ai les yeux qui me piquent, j'éternue, et sur la peau, ça me fait des plaques prurigineuses. Oh, mais faut que tu fasses un week-end à Center Park avec Isabelle. gazon et piscine, vous êtes bien, je vous c'est bien ça. Merci de nous avoir appelé, Jessica, on t'embrasse. Glandu, une allergie? Moi, j'ai une cousine qui est allergique au chocolat. Et alors je peux dire on l'adorait à Pâques et à Noël elle. C'était tout bonus. Ouais. Elle pouvait pas nous manger devant elle quoi, mais on pouvait rien y faire. Ouais, et puis toi elle tu lui donnais quoi? Tiens, une tranche de bacon. et joyeux Noël. Sympa. Allergie bizarre, Paulette. J'ai un copain qui est allergique à sa sueur, à sa propre sueur. Ah ouais, comment tu fais? Carrément l'enfer. Ben, c'est-à-dire que moi j'ai découvert, il nous en parlait pas du tout, mais lors d'un déménagement où du coup il a sué et il a commencé à boursoufler, à avoir des boutons partout et tout. Mais sauf que tu sues tout le temps. Oui. Lui il fait en sorte de pas suer par exemple. Le sport il a la bonne excuse lui pour pas y aller. C'est cool ça. C'est cool, mais enfin il y a un moment et tu sues pas mais tu vois plus ton zizi tellement t'as un gros ventre. C'est ça. Ouais, le bon, mais c'est vrai. Et puis quand tu fais l'amour en plus, tu, tu te donnes un peu et que tu transpires. Bah peut-être qu'il va tout doucement. Ouais, honnêtement, je suis pas tout le temps. Hein. Ah. Ouais, d'accord. Donc, pas être. T'as pas souvent de tâches, toi, j'ai remarqué. Faut suer, vraiment. Quand ça dure un petit bout de temps, normalement. Un petit bout de temps. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles ? C'est pas pour moi, c'est pour un cousin. Un petit 10 minutes. Quoi. Un 10 minutes. Ouais. Tu nous parles souvent de ce cousin, quand même. Non, mais j'ai un cousin qui a vraiment. Il a un petit zizi. Il est rapide. Il fait pas souvent. C'est incroyable en plus. Oui. Charlotte. Oui, bonjour Manu, bonjour les wouah. Bonjour Charlotte, tu as une allergie spéciale étrange toi aussi? Oui, moi aussi. En fait, je suis devenue allergique au colorant à la fraise, ce qui fait que je ne peux plus manger de fraises Tagada. Ah bah oui. C'est pas très très grave, c'est pas très gênant dans la vie de tous les jours. Bah, dans la vie de tous les jours, non, faut juste faire attention, tout ce qui comporte colorant à la fraise, les yaourts, tout ça, c'est interdit pour moi. Oui, mais enfin, après, sauf si vraiment t'as un gros souci de gestion et de panique. Quand t'arrives par exemple au rayon yaourt, faut quand même être un petit peu concon pour se dire je vais prendre ce truc à la fraise. Non, mais t'arrives à voir le yaourt au citron, ouais, la fraise, dire que t'arrives à faire la différence quand même, Charlotte. Oui, j'ai le temps de voir le coup arriver, je te rassure. Voilà, c'est ça le truc. C'est que la fraise Tagada, personne n'arrive et te la met dans la bouche, tu vois. Non, faut juste me méfier quand il y a des gâteaux. Des fois, à l'intérieur, il y a des coulis aux fruits rouges. Et là, ça peut être un piège, effectivement. Mais là aussi, Charlotte, je pense que le coulis, tu peux le voir. Oui, je vois tout à l'avance. T'imagines la mort nulle? Ouais, elle a bouffé une fraise Tagada. Ah bah magie, aussi à l'enterrement, quoi. Charlotte va nous manquer, mais... Ce qui devait arriver arriva. Tête en l'air, elle a gaufré une fraise Tagada. On t'embrasse, Charlotte. Gros bisous, on t'envoie des fraises. Non, Manu. 8h51, Calvin Harris sur Énergie. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here.